Pardon? Là? Le voile et les bijoux. Vous voulez qu'on en parle? Faut pas que vous faites comme ça, vous fuyez ici, là. Vous voulez savoir quoi sur le voile, par exemple? Quelle est la question que vous voulez poser? Vous voulez savoir quoi sur le voile? On demande de mettre le voile. Oui. Maintenant, je voulais savoir, parce que les mèches ne sont pas bonnes pour une chrétienne. Maintenant, si tu as les cheveux naturels, c'est avant de prier qu'il faut se voiler ou bien il faut mettre le voile doit être sur toi tout le temps. Lisons la Bible, donc. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 11. Corinthiens chapitre 11. Vous y êtes? Donc sa question c'est, ok, elles enlèvent les mèches, n'est-ce pas? Maintenant qu'elles veulent prier là, elles doivent mettre la tête, le voile sur la tête, ou bien ça doit être chaque fois où elles se commandent, n'est-ce pas? Lisons, on voit ce que la Bible dit, d'accord? Verset 3, qu'est-ce que ça dit? À partir du verset 3 là, ma soeur. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Arrêtons d'abord. On dit tout homme qui prie ou qui prophétise, prie ou prophétise la tête couverte. Qu'est-ce qu'on veut dire? Que on dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, dans ce cas il déshonore son chef. Pour l'homme, on dit quoi? On veut parler de quoi? L'homme ne doit pas. Vous voyez que vous êtes tellement intelligent qu'on n'a pas écrit chapeau, mais vous parlez de chapeau, non? Continuons maintenant pour les femmes. Toute femme au contraire. Stop. Vous avez vu le mot contraire, non? Donc ce qu'on va demander ici pour l'homme, ce sera le contraire de ce qu'on en a exigé à la femme. D'abord, on a vu que quand l'homme veut prier ou bien prophétiser, il ne doit pas avoir quelque chose sur la tête. Et le contraire de ne pas avoir quelque chose sur la tête, c'est de... Le contraire de ne pas avoir quelque chose sur la tête, c'est... D'avoir. Donc forcément, pour la femme, ce qu'on demande que l'homme n'ait pas, on lui demande de l'avoir. N'est-ce pas? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous avez vu? C'est comme si elle était rasée. Donc, si elle n'a pas quelque chose couvert, donc pour Dieu, c'est comme si elle est rasée. Vous voyez? Or, s'il est honteux pour une femme d'être rasée, qu'elle se voile. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? Il y a c'est le pronominal là-bas. C'est le verbe se voiler, se couvrir. C'est elle qui fait l'action. L'action de se laver. Quand on dit se laver, ça veut dire c'est toi qui fais l'action, non? Ici, on dit qu'elle se voile. Qu'elle se couvre, bien qu'elle se couvre la tête. Parce que les femmes disent, lisons le verset 15, regardez. Verset 15, verset 1 Corinthiens 11. Mais que ce... C'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc la chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà le verset 15, parce que c'est là où les femmes prennent pour dire que non, la chevelure a été donnée comme... Comme voile. Or, là-bas en haut, verset 3, verset 4, verset 6 et 7, on dit qu'elle doit se voiler. C'est vous qui avez mis vos cheveux. Non. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ça qu'on a envie de dire. Parce que ici, on dit que la chevelure lui a été donnée. De l'autre côté, on demande qu'elle se voile. Parce qu'elle a deux autorités au-dessus d'elle. Il y a son mari et puis il y a Christ. Elle a au-dessus d'elle deux autorités. Vous voyez? Une autorité naturelle lui a donné le voile naturel. Puis on dit, à cause des gens, parce que. En fait, ces chevelures, la femme d'abord, voici l'explication spirituelle de ces choses. Parce que les gens n'y voient pas le code des désobéissants, ni. Je crois que quelque chose ne va pas ici. Les femmes ne voient pas. Il y a des gens, même les pasteurs, parce qu'ils savent que la majorité de leurs fidèles sont des femmes. S'ils disent ça, les femmes vont partir. De toute façon, je n'ai rien à prendre chez vous. Si vous préparez, ça fait quoi? C'est chez les bras ici que ça va déranger, non? Donc, souvenez-vous de ceci. Lorsque vous portez votre voile, ou mieux vous ne portez pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que. Quand vous venez avec l'homme devant Dieu, vous deux, vous vous glorifiez devant Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les versets 13, 14 et 15 veulent expliquer cela. On dit l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. On dit que la femme est la gloire de qui? De l'homme. Voilà. Et l'homme, lui, il est la gloire de qui? C'est pour cela que la gloire de Dieu ne se couvre pas. On ne couvre pas la gloire de Dieu. Mais la gloire de l'homme doit être couverte. Voilà le mystère. Parce que la gloire de Dieu et la gloire de l'homme ne peuvent pas se comparer devant le Seigneur. Il faut que la gloire de l'homme soit couverte. Voilà pourquoi Dieu vous prescrit de le mettre. Pour couvrir la gloire de l'homme devant Dieu. Pour que toute personne ne se glorifie pas devant Dieu. Vous saisissez, n'est-ce pas? Parce que la chevelure qui vous a été donnée là, c'est votre ornement à vous. Votre signe pour votre beauté. Et c'est pour que ton mari... Bon, de toute façon, c'est pour votre gloire. Et donc là, cette gloire-là doit être couverte devant le Seigneur, dit la Bible. Maintenant, la question qui se cache derrière, c'est que, est-ce que c'est tout le temps que je dois me voiler? C'est la question. N'est-ce pas? Ok. On a dit dans ces versets 4 et 5, à quel moment doit-elle prier? Doit-elle se voiler? Lorsqu'elle? Ou qu'elle? C'est simple, non? C'est quoi une prophétie? Répondez-moi. Je crois prophétie est difficile, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit, il y a deux choses qu'on a dit là-bas. Lorsqu'elle prie ou lorsqu'elle prophétise. Le son, ce n'est pas ribaba, ribaba, ribaba. Bon, le son, la prière. La prophétie tranquille. La prière, c'est quoi? Parler à Dieu, non? Donc, si je vais lever les pieds comme ça là, et comme on peut dire, hey! Merci Seigneur, je vais le faire quoi? Donc, il faut que je me... Voilà. Si j'arrive quelque part, que le Seigneur te bénisse. Il faut que je me... Parce que je viens de parler à qui? Où je peux parler? On a dit, lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise, elle doit avoir la tête couverte. Si vous restez quelque part, quelqu'un dit quelque chose d'après la parole, pour dire Amen, tu dois être... Parce que c'est une prière, n'est-ce pas frère? Vous voulez dire Alléluia. Il faut que vous soyez. Voilà. Donc chaque fois que vous priez comme ça là, voilez-vous. Que Dieu vous bénisse. Là, si vous voulez, même si vous comprenez, ça veut dire que c'est tous les jours alors. Moi, je vais vous expliquer ce que la Bible dit. Tirez les conclusions que vous allez vouloir tirer. En fait, ça devient mécanique. Comment? Ça devient mécanique. Non, ça va être mécanique parce que ça prend vie en elle. Ouvrez le livre de Néhémie, je vais vous montrer quelque chose. La Bible a dit, lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise, elle doit avoir la tête ouverte. On ne peut pas faire autrement, c'est la Bible qui dit cela. Alors si elle ne veut pas prier, c'est quand elle se prie, si elle ne veut pas dire Seigneur, qu'elle ne dise pas, elle subit le prière tout simplement. Mais si elle veut le faire, elle doit se voiler. N'ayez pas peur de dire ce que la Bible dit. Néhémie. Néhémie, vous êtes là. Je crois que c'est là où ça sera grave là maintenant. Celle-ci, elle a déjà ouvert jusqu'à la rivière. Ouvrez le livre, ouvrez Somme. Au moins, Somme, vous connaissez. Vous rentrez doucement, vous allez trouver Job. Vous rentrez là-bas derrière, vous allez trouver Esther et autres là. Après ça, vous allez trouver Néhémie. Détectez d'abord Somme parce que vous êtes trop fort. Détectez Somme. Quand vous allez détecter Somme, vous rentrez, vous allez trouver Job. Vous rentrez, vous allez trouver Esther, Ezra. Néhémie se trouve là-bas. Vous y êtes? Néhémie chapitre 1. Tu as vu comment tu as trouvé avec Somme Dieu? Comment tu as rapidement tu as retrouvé, non? Rapidement là. Si vous êtes fatigué, me dites j'arrête, d'accord? On n'est pas fatigué. Néhémie chapitre 1. Allons-y. Verset 1. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle. La 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Oui. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Oui. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ce homme. J'étais alors et chanson du roi. Chapitre 2. En fait, je permets que vous lisez pour vous comprendre l'histoire. Si je vais vous raconter l'histoire, vous n'allez pas comprendre. C'est mieux de lire vous-même comme ça. Avançons, chapitre 2 maintenant. Au mois de Nissan, oui. La 20e année du roi Astésasès, comme le vin était devant lui, oui. Je pris le vin et je l'offris au roi. Oui. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu de... Non, regarde, c'est le verset, c'est là où je veux que vous allez. Le roi me dit, oui. Que demandes-tu? Et la réaction de Néhémie, c'est quoi? Je priais le Dieu des cieux. Oui. Et je répondis au roi. Oui. Si le roi le trouve bon. Stop. Donc, vous avez vu l'histoire, n'est-ce pas? On a vu de raconter à Néhémie qu'il était en captivité, donc il était dans un pays étranger. Et là, ils étaient échansons du roi, c'est-à-dire que quand le roi veut boire le vin, c'est lui qu'on envoie. Et là, il y a des gens qui viennent de Jérusalem. Ils disent, comment vont les frères là-bas? Ils disent, oh, tout le monde, ça va mal. On lui a donné un mauvais renseignement. Enfin, un renseignement pour montrer que tout va mal, n'est-ce pas? Il était abattu, il a commencé à demander pardon à Dieu. Or là, c'est le roi qui est là-bas qui peut favoriser la restauration là-bas. Il ne sait pas comment faire. Il arrive devant le roi, son visage était triste tellement, il était angoissé à l'intérieur. Le roi lui dit, Néhémie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas malade. Ceci, quand il voit ton visage là, c'est un chagrin du cœur. Et le roi dit, et il lui explique comment il veut être, tu ne dois pas être triste, alors que là où il y a le tombeau de mon père est détruit comme ça là. Le roi ouvre la bouche et c'est sa prière a amené la grâce que le roi lui dit. Parce que le roi n'est pas juif, il n'est pas censé faire quoi que ce soit là-bas. Il dit, que demandes-tu? Je veux que vous voyez la chose. Que demandes-tu? Demande ce que tu veux. Néhémie dit dans le renseignement là-bas que quand le roi a dit ça, il a prié le roi des cieux, le Dieu du ciel, et il a dit. Donc il a donné la réponse instantanément. Mais il dit qu'il a prié. Je pose la question. Néhémie a laissé le roi là-bas. Allez prier. Comme le roi a dit que tu veux quoi? Il dit, attends, il n'a pas prié. Il court. Il dit, oh Seigneur, il te remercie. Le roi dit, c'est comme tu as changé le cœur de cet homme-là. Et puis il rentre, mais il dit que je veux que tu m'envoies à Jérusalem. C'est ce qu'il a fait. Non. Dites-moi comment il a prié. Il a ouvert la bouche. Est-ce qu'il pouvait être devant Dieu, devant le roi, parce que je serai la tête, non, la queue, je serai au cœur, là, oh. Il pouvait dire ça, hein? Non. Donc, ça veut dire que la prière a été faite ici, n'est-ce pas? Si c'était une femme, elle doit se voiler. C'est là où je voulais vous emmener. Parce que vous pouvez faire, la prière, ce n'est pas que vous criez de votre haute voix. C'est-à-dire que vous pouvez prier ici. Si tu pars comme ça devant Dieu, si tu reconnais que Dieu est ton créateur et que c'est lui qui peut faire n'importe quoi, Alors avant d'aller comme ça, il faut avoir l'attitude de soumission. Il a dit que tu dois te voiler. Je veux seulement vous montrer, j'ai pris ici pour vous montrer qu'on prie même dans le cœur. Néhémie a prié dans le cœur, il n'a pas ouvert la bouche. La première partie, il a prié, il a dit qu'il fit plusieurs jours dans le deuil. Donc la prière qu'il faisait chez lui là, il priait à haute voix. Ici, devant le roi, il n'a pas prié en ouvrant la bouche. Mais il a prié, mais il a été exaucé, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais la Bible va même plus loin pour dire que prier sans cesse. C'est ça, non? Mm-hmm. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Ce n'est pas une occasion que laissez vos cheveux que ça sent. Quand vous voulez fouler quelque part comme ça, ça sent. Sanctifiez-vous, vraiment, nettoyez-vous. Quand on dit que vous habillez comme ça, pas on dit que vous nous habillez maintenant comme ça, comme des petites soeurs du port. Ne faites pas comme ça là. Arrangez-vous bien, vous êtes des merveilleuses créatures. Vous n'avez pas besoin de vous parfaner partout comme les filles du monde. Arrangez-vous vraiment comme les filles du roi. D'accord? Arrangez-vous vraiment. Pour que les gens te voient, ils disent, elle doit coûter cher celle-là. Tu dis que plus que cher. Des questions? Oui, oui. Oui. Bijoux. Ah, les bijoux. Elle boucle d'oreille. Ok, donc ne t'inquiète pas. Attendez, on vous arrange bien même. C'est vous qui avez posé la question, non? Ok. Toutes celles qui ont les oreilles percées, levez la main. Si vous avez les oreilles percées, levez la main. C'est bon. Maintenant, je vous pose la question. Qui vous a percé les oreilles? Maman. Votre maman. Qui ici a une fille? Vous avez percé les oreilles? Mm. Dites-moi aussi pourquoi vous avez percé. Donc tu as toujours transmis. On a percé pour toi, tu transmets pour toi. Si ta fille grandit, elle a aussi sa fille, elle perce. Moi maintenant, je vous demande vraiment, quelle est la raison valable? C'est-à-dire si Dieu te pose, Dieu vous place devant lui là. Il dit, dites-moi pourquoi vous avez percé les oreilles. Quelle est la raison que vous allez donner? Parce que tout le monde. Mais il a dit que vous n'imitez pas le moindre, non? Non, moi c'est pas pour tout le monde. Oui. Maman m'a dit, sa maman a percé son oreille. Donc tu perces. Et toi, si tu perces aussi pour ta maman, tu vas lui dire que ta maman t'avait dit que sa maman a percé tes oreilles. Tu perces, tu perces. Et Dieu te demande que dis-moi pourquoi tu perces son oreille. Est-ce que tu as le droit de percer? Tu vas lui dire quoi? La Bible déclare dans ce livre de Romains chapitre 3 que toute bouche sera fermée devant Dieu lorsqu'il va juger. Que tout homme soit trouvé menteur et seul Dieu soit vrai. Quand vous êtes sorti du ventre, là où vous respirez, on appelle ça quoi? Là où vous têtez, on appelle ça quoi? C'est vos parents qui ont percé ça. Là, vous, qui a percé? C'est votre parent qui a percé? Non. Alors, je pose la question, pourquoi il perce vos oreilles? Je veux que vous répondiez, je veux que vous donniez une raison valable. Que voici le pourquoi on perce et que ça soit valable devant Dieu. Essayez aussi un peu, défendez-vous. Parce que vous êtes là, quand tu étais sorti, tu étais homme. Quand tu étais sorti du ventre là, tu étais homme. Tu étais quoi? Donc ça dit que ce n'est pas l'oreille percée de faire femme. Nous sommes d'accord. Je veux que vous me trouviez donc une bonne raison. Allez-y. Il n'y a pas de raison. Donc vous avez besoin de repentance. Vous avez besoin donc de repentance. Parce que la Bible déclare que vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Vous n'avez pas de raison. On a trouvé comme ça. On fait aussi. Vous devez vous poser des questions. La Bible déclare n'imitez point le monde. N'aimez point le monde. Ne faites pas comme le monde le fait. C'est parce que la Bible déclare. Voilà. Donc, en fait, voilà la première question. Donc, pour toucher beaucoup d'oreilles, il faut toujours toucher le trou où la boucle vient entrer. Là, si le trou n'est pas conforme, boucle d'oreille n'est pas conforme. Donc, on n'en parle même plus. Vous avez encore à dire? Hein? Ok. Qui a les garçons ici? Qui a enfant garçon? Levez la main. Vous avez percé les oreilles? Pourquoi? Parce que c'est les garçons. Donc, c'est écrit quelque part que les garçons doivent percer les oreilles? Exode chapitre 32. Prenez la Bible. Vous ouvrez la première partie de la Bible, puis la deuxième. Exode. La deuxième, c'est Exode. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Ne vous fâchez pas. Hein? Si vous êtes dans l'erreur, nous tous, nous avons grandi dans l'erreur. Et lorsqu'on reconnaît son erreur, c'est déjà bien. On corrige, on avance. Parce que vous ne pouvez plus faire percer. Maintenant, le problème, là, c'est que, comme vous avez entendu, celui qui a l'enfant dans le ventre, accoucher la fille percée maintenant dit que le frère junior il dérange. C'est pas moi qui te dérange. Vous avez entendu la vérité. Amen. Chaque fois, si tu prends le tour pour faire que percer, dis, réponds pourquoi tu perces. Exode chapitre 32. Je veux que vous lisez, qu'on lit doucement, d'accord? Quelque chose, et puis vous allez voir. À partir du verset 1, ma soeur. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, de vos fils. » Stoppez là-bas. Vous avez vu ce qui est écrit là-bas? Mm-hmm. Pour faire le veau d'or, il a enlevé les anneaux d'or et les oreilles dans les oreilles de qui? Un. Des femmes. Deux. Des fils. Deux. Des filles. Ça, c'est le troisième, non? Oui. Donc, il y avait les fils et les filles qui avaient les boucles d'oreilles. Donc, si vous percez les oreilles de votre fils et de votre fille, percez pour les garçons aussi. Et vous mettez les boucles, d'accord? Fermez la Bible. Ça veut dire que si votre pasteur dit que non, vous les filles, vous devez porter les boucles d'oreilles, dites que lui perce aussi sa part parce que les garçons aussi avaient. Vous voyez, le pasteur, il entre comme ça, c'est un pasteur entre comme ça. Toi-même, tu vas sortir comme si tu partais appeler comme ça, là. Tu pars, tu vas encore revenir. Mais dans la Bible, on voit, ça, c'est au peuple de Dieu. Remarquez très bien que tant que l'épisode du veau d'or n'est pas dénoncé, on ne nous dit pas un renseignement qui sont la façon qu'ils étaient habillés. Vous voyez, c'est ici quand Moïse a duré qu'on a vu maintenant qu'ils avaient le veau d'or, ils avaient les choses sur eux, et les garçons, et les filles. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont dit que les garçons ont enlevé les boucles qu'ils avaient, les filles ont aussi enlevé. Pourquoi? Ils ont grandi au milieu du peuple égyptien. Ils ont été pervertis, ils sont sortis. Souvenez-vous, ici en première partie, nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 5, comment Jacob lui-même progressait. Dieu n'a rien dit parce qu'ils étaient parvenus avec le peuple. Quand Dieu a dit qu'il monte à Bethel, il a dit enlevez le Dieu, changez le milieu de vous, ils ont enlevé les boucles là. Pas vrai? Voilà. Donc pour avoir approché à Dieu là, vous devez vous sanctifier. Des questions? Bon, moi, je ne sais pas lire. Oui. Comment il doit faire? Tu as ton mari qui sait lire, non? Mais il n'est pas toujours là. Il doit être là pour s'occuper de toi. Amen. Ça reste l'habitude. Oui, il a entendu, ne t'inquiète pas. tu veux qu'il fasse comment? Les alliances. Quelle alliance? Les alliances de mariage. Ce que la Bible appelle alliance, c'est l'alliance avec le sang. Mais... Oui? Les alliances de mariage, c'est normal que les hommes portent ça. Moi, je suis marié. Mon alliance, j'ai porté ça dans le cœur. Tu ne peux pas voir ça. Il y a un verset qui te dit qu'il y a l'alliance pour le mariage. Mais vous prenez alors ça où? Dans le monde. Mais on dit que n'imitez pas le monde. Comment vous allez prendre chaque fois chez les choses du monde? Ah. Pose alors la question. Oui, pas pour les femmes. On ne doit pas percer les oreilles. C'est pas pour les femmes. C'est que vous, c'est vous qui exagérez. On ne doit pas percer les oreilles. Oui. Ça veut dire pour moi. Attends, ma soeur, attends d'abord. Attends, on arrive. Normalement, vous ne voyez pas que vous avez des problèmes, vous les femmes. Vous ne savez pas que vous ne voyez pas que vous-même vous causez des problèmes. Vous-même, vous n'avez pas vu ça. Hein? Remarquez les hommes là-bas. Leur habillement ne dérange pas. C'est vous qui portez. Vous dites taille basse, taille éléphant. Tu portes comme ça. Tu montes sur. Vous appelez les motos ici quoi? Les motos, vous voyez le string, elle jusqu'ici là. Elle est allée au marché, elle achète le haut, elle prend le haut de son petit frère. Elle fait comme ça, ça remonte. Et elle avait porté, elle avait mesuré, elle regarde que c'est pour un petit frère. Elle arrive devant les gens, elle fait encore comme ça pour baisser. Elle prend les tissus, elle va chez celle qui court là, elle déchire jusqu'ici encore. C'est pas qu'elle a déchiré, pour montrer quoi. Vous avez des problèmes, non? N'est-ce pas? Après quand vous allez déchirer, parce que vous avez porté une petite chaîne au pied. Si tu as vu ma chaîne là? Tu m'as fait comme ça pour s'asseoir avec la fleur qu'on a dessinée ici. Parce qu'il veut qu'on voie. Pas vrai? Vous avez des problèmes. Oh, vous coiffez ça. Vous mettez le crayon sur ça. Tu fais, tu tires ta tête. Tu tires bien pour que ma tête brille. Qu'il faut que mon front sorte. Ça sort pour aller où? Vous voyez que vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Vous avez vraiment des problèmes. D'accord, mes soeurs? Donc, il faut d'abord qu'on se calme. Sachez que vous avez des problèmes. Et comme vous êtes séductible et séductrice, Satan a créé des choses donc, pour vous utiliser, donc, pour faire tomber les hommes. Quittez cette voie-là. Quittez vraiment cette voie. Si vous êtes pour les filles de Sarah, habillez-vous comme des saintes femmes. Vérifiez que dans votre cœur, il n'y a pas de perversité. Il n'y a pas le goût du monde. C'est le goût du monde dans votre cœur, vous trompez vous-même. Oui, pose maintenant la question. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Quel est le problème? C'est une tradition. Il fut un temps que c'était une loi. Et ça n'a jamais concerné les païens, pour commencer. ça n'a jamais concerné les païens. La Bible dit que c'était la loi, la circoncision qui a été donnée, les orats étaient donnés aux juifs pour typifier la circoncision du cœur que nous avons aujourd'hui. D'accord? Donc maintenant, si quelqu'un a son garçon, s'il veut, il circoncit. S'il veut, il ne circoncit pas. On circoncit aujourd'hui pour raison hygiénique. Tu ne peux pas, si vous voulez même respecter la loi de Dieu, vous n'avez plus la possibilité. Parce qu'il y a la loi de la circoncision. C'est le huitième jour. Et après, ça, il faut offrir un sacrifice à Jérusalem. N'est-ce pas? Vous allez aller à Jérusalem, vous avez le passeport. Et même si vous allez à Jérusalem, il n'y a plus le temple là-bas. Vous ne trouverez même pas de fils d'Aaron. Donc, ça veut dire que même si vous voulez oublier la loi, vous ne pouvez pas. D'accord, mes chers? Voilà, autre question. La sœur s'est dit qu'elle ne peut plus parler parce que c'est que plus elle pose des questions, plus ça sort mauvais. Oui, mon cher, ici. En fait, c'est par rapport aux femmes aussi. Je crois bien dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Oui. Et dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3. On demande à la femme de ne pas se tresser. J'aimerais savoir c'est quel mot grec est écrit ou bien. Non, on n'a pas besoin de grec pour faire. Comme c'est écrit en français, là, à commencer, on comprend en français. Laissez le grec tranquille. Parce que quand vous voyez les femmes, quand on va dire qu'elles n'enseignent pas, il dit que le mot si c'est didascalio. La femme si c'est genao. On n'a pas besoin de grec pour comprendre ça parce que Dieu savait que l'évangile devait arriver ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On parle le grec ici en Côte d'Ivoire. Non. Parlons ce qu'on comprend, d'accord? On a dit qu'elle ne se pare pas de tresses. Oui. Elle ne doit pas se parer de tresses. Point final. Mais comment encore, frère Junior? Non, je comprends les questions, ne vous inquiétez pas. Non, je vous comprends. Je vous comprends, ne vous inquiétez pas. Oui. Qui a donné les cheveux? Oui, les faux cheveux, les bijoux. Non, c'est pas. Il n'y a pas dit que Dieu a donné, il dit que Satan. Il a dit, il y a un verset aussi. Qui dit que Satan, que Dieu a donné les faux cheveux? Oui, quand Dieu nous a ramassé dans la boue, nous a vêtu de l'or, ça est dans la boue. Donc je ne sais pas lire. Donc là, tu as fait comment pour trouver ça? Je m'appelle, j'ai venu. Quelqu'un est venu te dire qu'il y a ça dans la Bible comme ça là. Bon, alors Dieu l'a retiré, Dieu l'a retiré, l'a pris dans la boue ou alors? On t'a aussi dit comme ça, dit, ah! Donc, elle est en train de parler de l'histoire de. Si vous lisez votre livre, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16, où Dieu a de faire la reproche à Israël en disant qu'il a trouvé, il est baigné dans son sang. En ce moment, il est prédité, nettoyé, coupé, on n'a pas, pas bien coupé ton nombril. Voilà, ah, voilà, c'est ça! C'est ça. Il dit que c'est quoi? Alors, Israël, c'est un pays. Dieu a porté des boucles d'oreilles à quel pays, sur quelle partie du pays? Dis-nous alors. Donc, vous voyez, Dieu en a utilisé cela comme dans le monde, vous nettoyez quelqu'un. Quand vous dites, quand quelqu'un est bien belle, c'est comme ça que vous faites, il dit que, Dieu veut parler, il dit que je vous ai nettoyé comme il fallait nettoyer, comme les gens nettoient. Et jusque-là, vous m'avez été infidèle. C'est l'image que Dieu en a de présenter en prenant les exemples, vous allez comprendre. C'est tout simplement ça. Voilà. Autre chose? Qui te bénisse aussi. Viens, mon cher, viens. C'est une très bonne question. Viens par ici. Vous avez su sa question? Comment faire pour mener une vie consacrée à Dieu? Viens. Que Dieu te bénisse, mon cher. Viens. Tu veux le servir? Oui. Tu es prêt à tout? Oui. Reste, c'est bon. Je sais pas où il y a une chaise ici. Oui. Assieds-toi ici. Pose-moi la question. Oui. Je crois que dans Éphésiens chapitre 5, verset 5, la Bible dit la cupidité. C'est une idolâtrie. Oui. Non, ma question c'est dans le commerce. Oui. À quel moment on parle de cupidité dans le commerce? Bonne question. C'est tout? Oui. Ouvre 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 8, on va lire d'abord quelque chose là-bas. Donc il dit dans Éphésiens chapitre 5, effectivement, on dit la cupidité est une idolâtrie. Et puis il demande dans le commerce, qu'est-ce que. À quel moment dans la cupidité devient une idolâtrie? Voici les questions que j'aime. Comment faire pour se consacrer à Dieu? Vous avez quelqu'un qui dit qu'il va faire comment pour avoir mon mariage? Plus pour moi que le passeport sort, plus pour moi que le visa sort. Quelqu'un dit comment faire pour être consacré au Seigneur de la bonne façon? Je finis ici donc rapidement, il passe là-bas. Maintenant, le verset 8, qu'est-ce que ça dit? Il dit que quelqu'un rejette ses préceptes là. Chapitre 4 des 1 Thessaloniciens. Oui. Allons-y, à vous voir. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc il y a des préceptes qui ont été donnés plus haut, n'est-ce pas? Puis conclut ici que si quelqu'un rejette ses préceptes-là, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Dans ce précepte-là, parce qu'on a dit que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qu'on a vu, c'est que Dieu veut, donne exactement le désir de son être. Donc rejeter ça, c'est rejeter Dieu lui-même, n'est-ce pas? Maintenant, regardons le verset 6. Qu'est-ce que le verset 6 dit? Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans des affaires. Parce que Dieu tire vengeance de ces choses-là. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Maintenant, vous vendez par exemple le maïs. Vous vendez le maïs. Un de tes frères vient. Ah! Ton maïs, si. Tu as acheté ça depuis hier. S'il mange là, les parties vont lui faire du mal. Parce que ça a tellement séché. Tu verses l'eau sur le maïs. Tu prends les anciens trucs de maïs. Vous savez, quand vous enlevez les feuilles de maïs, quand c'est frais, on voit. Tu prends ce qui est frais, même chez ton voisin, tu mets sur ça pour que quand il regarde, là-bas, il voit c'est frais. Lui, croque le maïs est dur. Mais tu lui dis que c'est vrai. Il dit que c'est le maïs d'aujourd'hui. Tu dis oui, on vient les cueillir ça au champ. Alors que le maïs a dormi. Parce que tu ne veux pas perdre ton argent. Parce que ça a dormi. Si tu dis comme ça, tu vas perdre. Toi, tu es chrétien. Est-ce que ce comportement, c'est injuste? Tu viens de le frauder ou tu ne l'as pas fraudé? Tu l'as fraudé. D'autres vendent les tomates au marché. Ils prennent ce qui est mou là, gâté. Elles mettent en bas. Elles mettent le gros au-dessus. Ils versent l'eau, ça brille. On dit, ah, c'est comment? Ils disent, c'est 200. Après, ils versent dans le nylon pour que tu ne vois pas la tâche. Ce que vous faites là, Dieu dit qu'il voit ça. Il voit tout ce que tu as de faire là. Il dit qu'il vengeance de ces choses là. D'accord? Donc la cupidité, c'est lorsqu'on ne veut pas perdre quoi que ce soit. Parce que le matériel, on est tellement attaché au matériel où ça va nous affecter si nous perdons. Nous préférons donc que c'est l'autre qui perd. Ou bien que ça tombe dans les mains de l'autre. Comprends pas cela, mon cher. Maintenant, il y a des gens qui font le beignet. Ils font le beignet quand on n'achète pas, même les nourritures. Ils mélangent ça le lendemain. Quand ils posent la question que c'est la nourriture d'aujourd'hui, il sait que s'il dit non, on n'a pas acheté. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui. Est-ce que vous, chrétiens, vous pouvez dire oui? Non, non. Donc vous avez des problèmes. Vous voyez? Ça veut dire que le chrétien, lui, fait son commerce pas comme le monde le fait. Si tu fais le beignet, aujourd'hui, on n'achète pas. Tu as deux choses. Soit tu mets ça demain, tu dis que ce n'est pas le beignet d'aujourd'hui. Et si quelqu'un veut acheter, il achète sachant que tu lui as dit que ce n'est pas le beignet d'aujourd'hui. Ou bien tu manges, tu perds. Est-ce que vous voulez perdre? La cupidité vous guette. C'est ça le problème. Donc le commerce du chrétien n'est pas comme le commerce du monde. Parce que en fait, si vous êtes chrétien, tout ce qui va avec vous doit se christianiser. Donc votre façon de vivre, votre façon de penser, de marcher, désormais est alignée d'une certaine façon. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et par conséquent, votre commerce, tout ce que vous faites, faites le faux. Vous allez tromper quelqu'un. La personne qui vous connaît va vous juger par rapport à cela. Donc faites n'importe quoi droitement, d'accord? D'accord, mon cher? Maintenant, regarde. Première chose pour faire, pour se consacrer à Dieu, il faut mesurer le prix à payer. Il faut d'abord réfléchir que comme je vais avancer, est-ce que je ne dois pas pouvoir faire régresser? Prenez le livre de Luc au chapitre 14. Non, on va te donner la Bible là-bas. Lis là-bas. Ne bouge pas. La première chose à faire, c'est d'abord de mesurer. Après, parlant de cette question, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Je vous dis, par rapport à moi. Lis le verset 25 du chapitre 14. Luc chapitre 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Oui. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Oui. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà. Plus. C'est bon. Vous avez vu. Voilà la condition vraiment pour le suivre. Verset 25 dit que les grandes foules faisaient avec Jésus. On ne vient pas avec Jésus qu'à marcher à pied. Ils étaient nombreux derrière. Les conditions ce qu'ils donnent là, ça commence à séparer. La condition qu'ils donnent là commence à séparer. Dans un autre endroit, dans le livre de Luc, au chapitre 11, quand il va commencer à parler, les gens vont dire, quand les gens vont écouter, ils vont dire que Seigneur, y a-t-il qu'un petit nombre qui soit sauvé? Il a dit, efforcez-vous d'entrer. Vous voyez, efforcez-vous d'entrer. Donc on ne vient pas chez lui comme ça, qu'on arrête les gens qui allaient à l'église. Non, chez lui, ce n'est pas comme ça. Tu dois mesurer le prix. Il a donné deux exemples. Quelqu'un qui veut bâtir une tour. Ne commence pas à dire, waouh, j'ai mon terrain, je vais bâtir une tour. Tu mets la fondation parce que tu as 200 000. Est-ce que ça suffit pour construire une tour? Parce que tu commences comme ça, on va dire, ah, la fondation, il a commencé la maison, il n'a pas pu terminer. Donc ça dit, il faut que je réfléchisse d'abord si j'ai de quoi comment avancer. Vous voyez? Ou bien, il a dit, deuxième cas, j'ai 10 000 personnes, je suis en guerre avec notre roi. Est-ce que avec les 10 000 personnes, si lui il a 20 000, est-ce qu'il peut l'atteindre? Il dit, si c'est non, alors tu t'arranges à arranger la paix avec lui. C'est exactement comme ça avec le Seigneur. La nuit où la puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi. La nuit où la puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi, où toute la nuit j'étais en prière, tout depuis mes cheveux jusqu'à ma tête était mouillé. Cette nuit-là, c'est la nuit que je n'oublierai jamais. Où le Seigneur m'a dit par rapport à tout ce que je devais faire dans son œuvre. Mais il a dit qu'il y avait un prix justement à payer. Ça va causer des rejets, des malversations. C'est-à-dire que quand on te dit des mauvaises choses par rapport à toi. J'ai dit oui, Seigneur. Quand je dis oui, Seigneur, quand la voix s'est tue, suivez très attentivement. Le lendemain matin, quand je partais à l'école, j'étais à l'université. Quand je partais, je n'avais pas. Vous savez, n'importe quoi arrive le Seigneur. Quand vous dites, vous laissez le Seigneur, vous dites oui. Quand vous êtes malade, on dit que. Est-ce que tu crois au Seigneur? Tu dis oui. Le oui, là, c'est pour qu'on prie rapidement que ton truc mal fini. Tu ne mesures pas le prix qui est derrière. C'est quand tu es guéri, maintenant, tu dis que ah, le frère, je viens dire le rouge à lèvres. Si il ne porte pas le rouge à lèvres, on va voir que je suis belle comment. Mais quand tu étais malade, là, même si on disait que prends le caca, tu mets, si tu vas prendre, tu mets. Pas vrai? Quand je disais ça dans la nuit, je ne connaissais pas. J'ai mis mon sac comme ça. Je suis arrivé en route comme ça. Vom! Satan s'est présenté. Il dit, en pleine route, ça, ce n'est pas la nuit. Ce n'est pas la vision. C'est là devant moi. Il s'est présenté. Il dit, tu oses t'opposer à moi. J'ai vu une vision comme ça là, à droite comme ça là. Il a montré une série de choses qu'il devait me faire. Je suis resté debout comme ça. J'étais parce que je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je suis resté comme ça, debout comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, il y a la voix du Saint-Esprit. Quand la voix du Saint-Esprit est là, même si il n'importe quoi, tu traverses dans la vallée de l'homme de la mort, il est avec toi. Parce que c'est quelque chose qui ne m'était pas préparé. C'est pour cela que vous avez la grâce, que vous avez les enseignements. De quelqu'un de ne pas aller quelque part où quelqu'un n'est pas là pour le former et que ces choses arrivent, vous pouvez rêver ou courir vers quelqu'un qui a exprimé telle chose. Vous avez telle chose, vous ne connaissez pas. Tu vis seul, tu as les phénomènes physiques seul, spirituels seul, tu dois comprendre ce que ça dit. Vous comprenez ce que ça dit? Alors je suis resté debout comme ça là, il me présentait que comme tu te bosses à moi, voici ce qui va arriver. Tu vas faire cela. J'ai commencé à paniquer. Il dit comme ça, appuie le Saint-Esprit, dis-lui que je ne vaincrai pas par ma foi, Christ t'a vaincu. Quand j'ai prononcé cela, boum, la vision s'est tue. J'ai continué la route. En route là, quand j'étais en route, comme les motos passaient là, si quelqu'un est dans le taxi, il me voit, il va dire, c'est sûr que ce garçon c'est fou. Parce que je marchais comme ça, subitement je me suis arrêté. J'ai commencé à parler. Donc vous êtes de l'autre côté, vous me voyez, vous allez dire qu'il marche, il parle seul. Mais personne ne savait ce que je suis en train de vivre. Quand ça s'est passé là, en quelques minutes là, après il continue ma route comme si de rien n'était. Et moi je dis, qu'est-ce qui arrive? Et dans le monde entier, depuis que je sais le Seigneur, je vois ces choses-là arriver. C'est pour cela que ça, quand vous connaissez où vous allez, que vous connaissez ce que le Seigneur a fait pour vous, si quelqu'un vous dit du mal contre vous, vous ne pouvez pas commencer à riposter. Parce que vous savez exactement qu'en réalité, ce mal-là ou ces mauvaises choses qu'on dit de toi, c'est la publicité. Et c'est pour honorer le Seigneur. Vous voyez? Donc, alors, mesurez le prix à payer. Ne pensez pas que Jésus est bon que c'est. Non, il ne vous laissera pas toujours comme ça là. Il y aura des moments où vous allez prier sans entendre sa voix. Or, il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois apprendre par la foi à vivre, même si tu pries, il ne répond pas, il est là. Quand vous priez de toute votre force, en vérifiant que vous n'avez pas de péché, vous n'avez pas une désobéissance, vous priez, Dieu ne répond pas, vous devez attendre pour manifester qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu dans la réponse, il est Dieu dans le silence. Vous savez ça? Donc ne croyez pas que non. Hey! Juste aller on allait en Allemagne, il y avait une fille qu'on a mis là pour qu'on chasse, s'il y avait la vidéo de vous mettre là-bas. Il y a un garçon qui est resté derrière. J'ai mis les frères là-bas que, ok, puisqu'ils ne seraient pas en Allemagne plusieurs fois, essayez de chasser aussi le démon. Ils sont allés là-bas, babader. Il y a un autre frère qui est venu vers moi, un frère junior, je vais aller chasser. Il dit, ok, c'est le meilleur moment, va chasser. Il me dit, donne-moi le pouvoir. Il me tend la main, il dit, donne-moi le pouvoir. Donc ça veut dire, il distribue le pouvoir qu'on chasse le démon avec. Il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur. S'il vous a appelé, vous avez un canevas que vous faites tracer. il va vous faire traverser au travers de là-bas. Vous ne pouvez pas contourner. Vous contournez n'importe comment, vous allez tourner et revenir. Enfin, vous ne pouvez pas le fuir. Parce qu'il vous a encerclé. Quand vous a encerclé, vous montez, vous descendez, vous allez passer par là. Le Seigneur Jésus-Christ en est un exemple. Il a tourné en Galilée. Tourné là-bas, il faisait des miracles, faisait des pains et autres là. Qu'est-ce qu'il attendait? Gethsémané. L'épreuve là-bas. La nuit là, il a dit paix, paix. Chez Lazare, il avait dit, je sais que tu m'exauces toujours. Là-bas, on l'a exaucé. Il avait dit à Lazare, il a dit, paix, je parle à cause de la foule. Je sais que tu m'exauces tout. Lazare sort. Il est sorti. À Gethsémané, il a pris trois fois. Paix, s'il est possible que c'est que. On l'a exaucé. Non. Voilà. Donc, quand tu décides que tu vas passer par là, tu vas passer par là. Donc, alors, mesurez-vous bien le prix que vous avez à payer. Si vous dites, je suis chrétien, je vais marcher comme Jésus est. Alors, le jour où vous dites, vous prenez position pour Jésus, ça veut dire que vous devenez l'opposant de l'opposant. Amen. Amen. Et par conséquent, il va utiliser tous ses stratagèmes et toute sa puissance pour vous combattre. Parce qu'il sait que tu es envoyé pour enlever les gens de son royaume. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tu es envoyé pour délivrer les captifs, pour enlever les gens qui étaient dans l'ignorance, pour leur dire, ah, mesdames, je viens de vous parler de vos louges à lèvres, avec votre truc de qui effraie là, les masques là. Il n'est pas content parce que c'est avec ça qu'il utilise pour vous faire comme vous soyez, comme le monde. Il n'est pas content qu'il déclasse là que c'est faux pour vous débarrasser de cela. Donc, ça veut dire que les pièges qu'il utilisait pour vous entendre, c'est tombé aujourd'hui. Vous voyez? Avant de faire cela, tu dois savoir qui tu sais. On ne sait pas, c'est pour ça quand il vous donne parce que je vois ici en Côte d'Ivoire, vous prenez les baffes, vous allez au marché. Répentez-vous, vous ne savez même pas si là où vous en êtes passé, il y a le poison. Vous ne savez pas de quoi vous allez combattre. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre le sang, mais contre les puissances ténébreuses. Tu vas au marché, il y a quelqu'un qui est assis derrière le marché, on sent sa tête sur le dragon, tu ne vois même pas. Tu dis, dans ta vie à Jésus, il vient de donner ma vie à Jésus, il dit oui. Après, tu fais comme ça, là, tu rentres à la maison avec les démons. Les dieux ne peuvent pas prêcher comme ça, ils rentrent, ils dorment avec le couche de nuit. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive, ils ne comprennent pas. Qui t'a envoyé dehors? Qui t'a envoyé dehors? Voici, vous ne voulez plus parler, ou bien vous ne voulez plus qu'il parle. Avant que vous ne sortiez pour aller quelque part, vérifiez que Dieu vous a envoyé. Sinon, les conséquences qui vont en suivre, vous allez en payer. Dans le livre de Luc au chapitre, les gens prennent toujours, ils disent, ah frère, Dieu a dit dans Matthieu 28 qu'allez prêcher toutes les nations. Quand il a dit ça, il a d'abord dit, stoppez d'abord, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Vous devez vérifier que le Saint-Esprit est là avant d'avancer. Vous savez, n'est-ce pas? Ah, c'est celle-là qui a dit qu'on a imposé les mains, que ribaba. Elle sera peut-être pour aller annoncer. Bon, tu partais annoncer quoi? Tu ne sais pas lire la Bible. Tu partais annoncer quoi? On vous briefe. Ouais. Quand tu vois quelqu'un, tu dis comme ça. Ouais, des recruteurs, des dîmeurs. Oui. Ouais. Tu poses à moi. Non, à elle. Uh-huh. Oui. Quand vous dites là, vous êtes concerné. Elle n'est pas concernée, c'est pour ça qu'elle se pose des questions aujourd'hui. Non, en fait, moi je peux me mettre là, dire Ribaba et puis dire que je parle. C'est ça que je suis en train de dire, elle-même, elle n'était pas consciente. Mais aujourd'hui, elle est consciente que quelque chose ne va pas. C'est pour ça qu'elle pose la question qu'on l'aide, que Ribaba veut dire quoi. Il y a des endroits où on apprend ça. Oui, on apprend vraiment, mais ce n'était pas normal. Ouais. C'est pas normal. Moi, on ne m'a pas appris à parler. Non, on t'a donné seulement ça en cadeau. Oui. On lui a donné Ribaba en cadeau parce qu'on n'a pas le temps à perdre avec elle, quoi. Donc, je crois que il n'y a plus de questions, n'est-ce pas? Donc, voilà où ça commence. Moi, c'est pour appuyer ce qu'on vient de dire. Oui. Étant le plus de l'enseignement, restituer les biens mal acquis. Oui. Et à la fin de l'enseignement, j'avais dit aux gens, ceux qui veulent se débarrasser des choses, de faire une prière. Tu les prévenais avant qu'ils ne prient que si vous n'êtes pas sincère, si vous n'êtes pas prêt, n'avancez pas. Oui. Et à la fin, je me suis agenouillé et puis a dit, Seigneur, si mon agent peut m'empêcher de vraiment te servir, ça peut m'enlever de côté. Oui. Il y avait un magasin de gaz, le lendemain net, ils ont volé là-bas. Applaudissons pour le Seigneur. Bon, quand on a volé là-bas, on a enlevé ce magasin là-bas, tu as remercié le Seigneur. Oui. Quand il dormait, c'est elle qui m'est arrivée. Mmh. Et puis elle m'a dit non, ils ont volé la bouteille de gaz là. Il était couché, puis elle souriait. Il dit non, il faut laisser. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et bien, il y a d'autres, même en assemblée, là, qu'ils ont fait comme ça. Là, le lendemain, l'autre fois, ils ont dit que, mais, frère Junior, la dernière fois, on avait prié, on n'a pas dit que Dieu nous sèvre comme ça. Je comprends ce qui est arrivé. Parce qu'ils ont, partout, il y avait l'argent. Ils savaient, les gens disent, je sais Dieu, ils prient pour que tu aies le travail. Quand le travail vient maintenant, là, tu dis qu'on nous plaît. Ah non. Le travail devient une clé d'achèvement. Maintenant, il ne peut plus prier. Si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de mari, c'est le meilleur moment maintenant pour servir Dieu. Ce que vous cherchez là, laissez ça tranquille, cherchez le Seigneur. D'accord? Quand la mari va venir, tu vas dire que m'avait prié. Si vous êtes marié, c'est que maintenant vous allez dire que frère Junior, mon mari m'attend à la maison, pas vrai? Quand il n'est pas là, vous savez que vous pouvez servir le Seigneur parce que le Seigneur est votre époux. Alors maintenant, quand vous n'avez pas, servez-le. D'accord? Quand il n'y a pas le travail, que Christ soit votre travail, demeurez dans la prière, dans le jeûne et la prière. Parce que le moment vient, vous allez le jeûne, vous allez avoir le travail, vous allez dire maintenant que quand il rentre du travail, je suis fatigué. Il faut que je sorte pour aller au travail, ne prie pas. Le travail devient maintenant votre idolâtrie. Donc quand vous n'avez pas cette possibilité, c'est ma vie. J'ai grandi comme ça. Dormais dans les voitures, en dormais sur les bancs comme ça là. Dormais chez des gens, ils dorment comme ça, on me méprise n'importe comment. Mais j'étais sur une voie pour avancer vers le Seigneur. Et le plus grave de ces choses, c'est que les gens vivent avec le problème. Quel est ton problème? Il dit, pour avoir le travail, tu mets la main sur son dossier, tu pries pour avoir le travail. Toi, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu dis, Seigneur, c'est quoi? Il dit, moi, j'aime quand tu es comme ça. Vous allez comprendre que... Après, on va voir, mais toi, ton église, c'est où? Tu n'as pas l'église. Mais on voit beaucoup de pasteurs. Mais tu dis quelque chose, on dit, les pasteurs là, ils sont plus riches que toi, ils sont plus ici. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Les gens regardent sur le physique. Il regarde vos autres personnes, on voit comment ils construisent bien, mais tu dis quelque chose qui est contre. On dit que non. Si toi, si le Dieu que tu proches a été vrai, Dieu devait te donner une grande église. Il ne voit pas au-delà. Donc mon cher, mesure d'abord le prix à payer. Si tu mesures le prix à payer, ça suppose que si tu dis Seigneur, je vais te suivre. Il se pourrait qu'il mette la main sur toi. Il dit désormais, voici le style de vie que je veux que tu mènes. Tes amis commencent à te couper. Tous ceux qui étaient à côté de toi commencent à te fuir. Et même tes parents te rejettent. C'est ce que ça va faire. Tu as à ce niveau-là. Bonne arrivée. Continue. Bon, continue seulement, d'accord? Continue sur la route. Moi, j'étais là-bas. Trouve-nous devant. Trouve-nous devant. Bienvenue. Tous ceux qui veulent, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la bonne prophétie de l'Église ici que j'aime beaucoup. Donc, quand tu veux vivre, sache que la personne t'attend en devant. Si vous voulez fuir la persécution, allez dans les foules de dénonciation. Vous vous asseyez derrière. Vous entrez quand le culte a commencé, vous allez derrière, on ne vous voit pas. Vous finissez, vous entendez les mains, vous mettez le front, vous sortez, on ne vous voit pas. Là, allez faire ça dans la religion. Si c'est pour Jésus, il va vous mettre dans la lumière comme ça, que Satan te voit. Des questions? Oui, mon frère. J'aimerais savoir à quel moment est-ce qu'une personne peut réaliser qu'elle est sanctifiée et demander maintenant le Saint-Esprit, sachant que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à une personne qui n'est pas encore sanctifiée. Bonne question. Ça, c'est une bonne question. Vous voyez, comment, jusqu'à quel niveau on va se sanctifier, ou bien comment savoir qu'on est déjà sanctifié à un niveau de nous. Voici ce que la Bible déclare. La sanctification, vous devez commencer quelque part. Ça, c'est un. Vous devez commencer quelque part. Nous sommes mardi aujourd'hui. Je crois que comme se fait nuit, samedi, plaise à Dieu, il faut que je m'étende là-dessus véritablement bien. Amen. On travaille, on prie. Amen. Parce que ce qui est sur mon cœur, si je vais parler là, ça va faire 5 heures de temps. S'il va falloir qu'on entre dans la Bible, on essaie de fouiller ça partout dans la Bible. Donc, je vais mettre une apostrophe tout ce moment, d'accord? Samedi, venez tôt. C'est quelle heure? 10 heures. Venons 10 heures. À 10 heures, on va commencer. Pour qu'on commence, on a le temps. Je sais que c'est 10 heures, même si c'est 4, vous pouvez prendre du repos. Parce que je sais que quand il veut parler, il veut comme ça que Junior, frère, Junior va tomber. Junior va tomber. D'accord? Il va venir samedi, on commence, on voit ces choses-ci. Maintenant, la sanctification, il y a la sanctification que Dieu fait. Il y a ce que nous faisons. D'accord? La Bible parle de la sanctification de l'esprit. Regardez, prenez un exemple là, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous y êtes? Oui. Au chapitre 6. Oui. Lisons le verset 9 ou verset 11. Verset 9 à 11. Il est écrit. Mais c'est vous qui commettez. Non, tu n'es pas là-bas. Il dit le verset 9. Verset 9. Oui. Hein, verset 9, c'est. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Oui. Ne vous y trompez pas. Oui. Ni les impudiques. 1. Ni les idolâtres. 2. Ni les adultères. 3. Ni les efféminés. 4. Ni les infâmes. 5. Ni les voleurs. 6. Ni les cupides. 7. Ni les ivrognes. 8. Ni les outrageux. 9. Ni les ravisseurs. 10. N'hériteront le royaume de Dieu. Vous avez entendu ça? Hein? Donc, si tu es dans une de ces catégories, tu penses que tu es chrétien ou bien tu as hérité tronc, parce que dès le départ, il dit ne vous y trompez pas. Donc, si tu vis ça, croyant que si le royaume de Dieu vient, tu vas entrer, tu as hérité. Ça, ce n'est pas ce qui. Là, on va s'arrêter. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Allons-y. Il dit, verset 11 dit. Et c'est ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Donc, ça veut dire que pendant qu'il a décrit comme ça aux chrétiens qui est là-bas, les chrétiens à qui il a décrit étaient dans cette chose qu'il vient de nommer. Puis il dit maintenant, il donne une révélation. Allons-y. Mais vous avez été lavés. Stop. Vous avez vu ce qui s'est passé? On n'a pas dit qu'ils se sont lavés. On dit qu'on les a lavés. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez vu cela? Donc, c'est ici les sanctifications. Ce n'est pas eux qui ont fait cela. Parce qu'on ne peut pas vous nettoyer du mensonge. Vous ne pouvez pas vous nettoyer de l'homosexualité. Vous ne pouvez pas vous nettoyer de l'adultère. Vous ne pouvez pas vous nettoyer. Vous ne pouvez pas vous nettoyer. Il faut que l'autre fait. Après, il va dire de quelle manière il a fait. Allons-y. Vous êtes sanctifié, mais vous avez été justifié. Oui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par... Et par l'Esprit de notre Dieu. Et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, il y a la sanctification que c'est l'Esprit qui fait. Ce style de sanctification, vous voyez que quand Dieu a le travail avec vous, initialement, vous mentez. Ou bien, généralement, ça se passe dans le cœur par rapport à la colère. Normalement, il y a des gens qui sont trop bruyants. Il y a n'importe quoi, ils se fâchent. Quand vous êtes avec Christ, il a commencé une œuvre en vous. Vous remarquez que quand un événement arrive, c'est pour ça que Dieu permet ces événements pour nous montrer que quelque chose s'est passé. Des gens qui te faisaient souvent des choses, quand on te fait des choses, tu fais pam, pam. Mais quand on fait, subitement, quand on fait ça, tu ne réagis pas. Toi-même, tu te surprends que, mais normalement, ce n'est pas mon comportement ici. Normalement, je devais réagir brusquement. Là, tu te rends compte que tu ne réagis pas. Oh, ce n'est pas toi qui lutte pour ne pas réagir. Quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit a œuvré quelque chose en enlevant quelque chose sans te donner le compte rendu. Mais l'événement qui te met à devant de toi, c'est pour ça que vous devez croire Dieu et voir Dieu devant vous. C'est pour cela qu'il met ces choses-là, il permet que quelqu'un vous fasse la même chose. Pour que tu médites, tu comprends que, ah, normalement, c'est pas, mon comportement, c'est pas comme ça. En temps normal, je devais bagarrer. Mais qu'est-ce qui ne va pas que je ne bagarre pas? Tu rends grâce à Dieu parce que Dieu a fait cela. Donc, il donne le renseignement, c'est qu'il y avait des gens qui étaient dans l'homosexualité, l'infamie, ainsi de suite, l'impurité, mais quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été sanctifiés. Donc, il y a la sanctification que c'est Dieu qui fait. Maintenant, il y a des sanctifications que c'est vous qui faites. D'accord? Parce qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je dis que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans Apocalypse maintenant, au chapitre 21, il dit que celui qui est saint fasse quoi? C'est sanctifié encore. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la sanctification que nous devons faire est progressive. Parce que tous les jours, nous sommes astreints à être contaminés par le monde. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit bien tous les jours. Parce que le monde crée. Satan, lui, ne dort pas. Il crée des choses chaque fois pour nous pervertir. Et chaque fois, Dieu doit nous révéler ces choses-là pour qu'on se sanctifie. Il y a des années, on ne prêchait même pas contre votre mèche. C'est sorti. Quand vous coiffez comme ça, là, Dieu dit, ça c'est mauvais parce que tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce qu'il a créé est bon, était mis depuis longtemps pour contrer ça. Et donc, quand il dit que soyez saints dans toute votre conduite, vous voyez que c'est vous qui devez être saints dans votre conduite. Ça veut dire que dans ma marche, si il fait que je fais qu'il pose la question si ceci est normal. Il dit, soyez saints. Il dit, je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Ceci, c'est vous qui devez faire. Donc, il y a des choses que c'est Dieu qui fait. La colère, c'est Dieu qui fait. Il doit devoir enlever. Vous ne pouvez pas enlever la colère. D'accord? Il y a des gens que c'est l'impurité. D'autres, c'est la masturbation. On ne peut pas s'en empêcher. Il y a des femmes que c'est un garçon, le gars, vous avez peur, mais il dit que oui, mais voici. Elle est faible comme la feuille du tarot. Oui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est Dieu qui va d'abord donner la force. L'Éternel est ma force et mon appui, mon souverain bien. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes chers? Et par conséquent, il y a des choses que c'est Dieu qui fait. Ce qui est du domaine de l'intérieur et de l'âme, c'est Dieu qui fait. Ce qui est du domaine de l'extérieur, c'est vous qui devez le faire. Vous me suivez, n'est-ce pas? Celle-là, elle a dit qu'elle voit la télévision jusqu'à. Elle voit seulement. La Bible déclare le psaume 103, verset 3, le psaume 101, verset 3, que je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Donc, si elle a l'impurité à l'intérieur d'elle à cause de ce qu'elle met, c'est que ça veut dire que la télévision, ce n'est pas Dieu qui a mis. C'est elle qui a mis ça là-bas, c'est à elle d'enlever. Vous voyez, il dit, le psaume dit, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Donc, comme c'est toi qui as mis, tu peux enlever. Vous me suivez, n'est-ce pas? Des questions? C'est bon, n'est-ce pas? Tu vois qu'il n'y a pas touché le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Maintenant, le Saint-Esprit, c'est l'attestation spirituelle que Dieu a agréé ta foi, que tu es arrivé au niveau où il veut. Ouais, n'est-ce pas? Ça veut dire, c'est pas l'être humain, ni même toi qui te sanctifie, qui sait que c'est le moment qu'il doit donner. Vous savez ce qu'il dit? Il dit le Saint-Esprit. Parce que tu as posé la question, à quel moment de la sanctification le Saint-Esprit peut venir? Jusqu'à quelle exigence? C'est Dieu qui connaît l'exigence. Chez Corneille, vous avez remarqué que tous ceux qui sont entrés chez Corneille ont eu instantanément. Les apôtres, eux, ont duré 10 jours. Ceux des Actes des apôtres, chapitre 8, les Samaritains, on n'a même pas donné la longueur du jour qu'ils ont mis. Vous avez vu, donc Dieu peut donner instantanément s'il a. Oh, Corneille, on donne de lui le témoignage que malgré qu'il était militaire, il craignait Dieu. Donc, je ne connais pas le niveau de sa piété. C'est Dieu qui a le trait des jauges. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je ne compte pas que ça vient aujourd'hui, ça vient demain. Je continue seulement dans la sanctification. Quand Dieu donne, souvenez-vous de ceci. C'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver sur la terre, le baptême du Saint-Esprit. C'est la meilleure des choses. Et donc, si c'est la meilleure des choses qui puisse vous être donné sur cette terre-ci, ne lâchez point Dieu si vous n'avez pas encore reçu. Et donc là, dans ce cas, mettez tous vos efforts pour joindre à votre foi cette course-là. Et par conséquent, éloignez de vous tout ce qui ne contribue pas à cette marche-là pour l'avoir. Attends, Il dit bien, et par conséquent, enlevez, ôtez de votre marche tout ce qui peut et qui ne contribue pas à la marche de l'obtention de cela. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le bout de pont qu'on distribue à n'importe qui. Que oh, lève la main et donne ma vie à Jésus. Oh, le Saint-Esprit est sur toi. Tu parles, ce n'est pas la souris. Pose la question, mon cher. Concernant le Saint-Esprit, oui. Je voulais. Bon, que si je comprends, le Saint-Esprit se manifeste de deux aspects. C'est-à-dire au niveau de la nouvelle naissance. Oui. Et puis maintenant, après la nouvelle naissance, dans la marche maintenant, il y a encore. Il arrive. Ce n'est pas seulement deux aspects, c'est voilà. Plusieurs niveaux. Suivez très attentivement, il va aller doucement. Voilà. Tu dis, c'est intéressant, tu n'entends pas bien. Lui-même, lui, là, il ne pose pas la question. Il pose la question parce qu'il a entendu ce qu'il dit. Il dit que dans sa vie, le Saint-Esprit se manifeste à deux niveaux. Ce n'est pas deux niveaux seulement. Si vous lisez votre Bible correctement, vous allez remarquer que le prédicateur qui prêche doit être envoyé par le Saint-Esprit. Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendu à celui-ci. Vous êtes. Maintenant, c'est intéressant. Nous commençons à entrer maintenant un à un. Bon, maintenant. Suivez attentivement. Donc, ça veut dire que le prédicateur est envoyé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé Saul et Barnabas à celui-ci, n'est-ce pas? C'est lui qui a envoyé Pierre chez Corneille. En envoyant, il ne donne pas le renseignement ni à Pierre ni à Paul ce qui les attend là-bas, ni ce qu'il va faire. Il t'envoie seulement parce que tu es son serviteur. Donc, vous voyez que l'œuvre d'envoi, c'est le Saint-Esprit. Le message qui est prêché, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on prêche, la parole, l'évangile doit être prêché par le Saint-Esprit. Alors maintenant, écoutez très attentivement. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. C'est lui qui ouvre le cœur là-bas, dispose le cœur pour que l'autre puisse écouter. On a vu le cas de Lydie. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'il fasse affranchir à ce que l'apôtre Paul disait. C'est lui qui a envoyé Paul. Le message choisi, c'est lui. C'est lui qui ouvre le cœur de Lydie. Et c'est lui qui permet que ses paroles s'y entrent. Vous voyez son œuvre qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? Ça, c'est l'extérieur. Tout ce qui se tourne autour, c'est lui qui le fait. Quand il finit, quand elle croit maintenant, le baptême, la seule chose physique que nous faisons, c'est le baptême. Nous faisons le baptême. Le reste, c'est entre ses mains. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il priait partout avec les anciens, dans Actes chapitre 20, il va parler aux anciens que c'est le Saint-Esprit vous a établi évêque. Or, le Saint-Esprit n'est pas descendu du ciel pour venir établir quelqu'un évêque sur la terre. Parce que quand il le faisait, se guidait par le Saint-Esprit. De tel enseigne que si quelqu'un allait contre le Saint-Esprit, c'est contre le Saint-Esprit qu'il allait. Parce que le Saint-Esprit qui l'a chargé à cette charge-là. Vous voyez, ça c'est l'œuvre extérieure. Maintenant, le problème c'est que dans l'homme intérieur qui est là, se trouve l'ancienne nature. Et quoi que ici nous avons lu Ézéchiel chapitre 36, verset 26, où il parlait de ces choses-là. Il dit que j'ôterai de vous le cœur de Pierre et je mettrai en vous le cœur de chair. On appelle ça la circoncision. La Bible déclare dans ce livre de Philippiens au chapitre 3 que le juif là n'est pas celui qui en est de dehors. C'est en dedans qu'il y a le juif. Il dit que c'est la circoncision de ce juif, si c'est la circoncision qui vient du cœur, non pas de la chair, qui est fait de main d'homme. Il dit que le culte ou bien la loi de ce juif-ci, c'est la louange est agréable à Dieu parce que c'est la loi qui vient de l'esprit. Vous voyez? Alors, il dit donc que le juif, ce vrai juif là, c'est nous qui servons Dieu en esprit. Comment tu vas faire pour mettre l'esprit en toi? C'est le Saint-Esprit qui circoncise le cœur, qui change le cœur. Il était enseigné que la colère qu'il y avait, il n'y a plus. Tu ne sais pas où réside la colère. Tu ne sais pas où réside le mensonge. Mais Dieu fait cela parce qu'il avait promis qu'il va changer le cœur de Pierre. Donc il va ôter. C'est ce qu'il a dit. Quand il ôte, parce qu'on fait le propice, quand on fait la circoncision, on ôte le propice. On ôte la partie qui est de déchet. On ôte, vous voyez, pour que le nouvel propice puisse sortir. Il dit qu'il va ôter le cœur de chair, de Pierre et donner le cœur de chair. Et lui-même, il va mettre la parole dans le cœur et puis mettre son esprit. Vous voyez, n'est-ce pas? Le maître de son esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tous les autres mécanismes, c'est la conversion. Il te transforme l'être intérieur pour venir faire son tabernacle à l'intérieur. Donc tout, du début jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit. Amen. D'accord, frère? Maintenant, dans ce cas, comment vous allez programmer, comment faire les gens de nouveau? Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi. Vous allez faire comment? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Il faut que notre intelligence quitte la chose de Dieu. Se laisser simplement guider par le Saint-Esprit. Frère, oui. Maintenant, après cette étape-là, oui. Il y a maintenant la marche chrétienne. C'est la marche chrétienne. C'est là maintenant qu'on te dit, vous savez, les enfants, quand les enfants grandissent là, on lave les enfants, ils tombent à terre. Pour qu'ils tombent. Quand ils tombent, on ne les laisse pas à terre. On les nettoie. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on grandisse dans la marche chrétienne. D'accord? Quand vous maintenant, ils marchent, c'est normal qu'un nouveau chrétien tombe de temps en temps parce que tous ne vont pas à maturité de la même façon. L'apôtre Paul, il est tombé sur la route de Damas le 3 jours après, il prêchait Jésus-Christ. N'est-ce pas, frère? Il dit bien, l'apôtre Paul. Il est tombé sur le chemin de Damas. Trois jours après d'être tombé là-bas, il prêchait Jésus-Christ dans les synagogues. Il ne connaissait pas Jésus-Christ. À cet instant, il prêchait que Jésus était le Fils. Mais il a fallu plus de trois ans pour que Jésus-Christ fasse entrer ça dans le corps de Pierre et autres. Donc, c'est que l'apôtre Pierre et les autres apôtres ont pris trois ans pour assimiler. Celui-ci a pris trois jours pour assimiler. Et bien plus, après trois jours-là, il expliquait même à celui qui avait fait trois ans là-dedans des mystères au point où l'apôtre Pierre dit que non, il y a des choses que celui-ci dit, il ne comprend pas ce qu'il raconte là. Pas vrai, frère? Voilà, ça veut dire que Les niveaux de maturité dans la vie chrétienne dépendent du Seigneur. À l'un, il peut te donner pour que tu sois converti comme ça. À l'autre, il te fait aller étape après étape. C'est pour cela que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 à 22, dit que Dieu a permis que dans le corps, il y ait même les membres faibles pour que ceux qui sont forts puissent les soutenir. Il a voulu comme ça. Il y a des gens que vous allez prêcher un peu comment tu parles, qui ne comprennent pas. Pour que vous vous souteniez les uns les autres. Parce que si vous êtes au même niveau, il va avoir orgueil là-bas. Vous savez ça? C'est Dieu lui-même qui a voulu comme ça. Il dit les membres de notre corps physique, nous considérons comme les moindres, nous les entourons de plus d'honneur. Et ceux qui ont plus d'honneur n'en a plus besoin de qu'on lui prenne soin parce qu'il est déjà à l'honneur. C'est pour ça que dans l'assemblée, c'est ceux qui sont faibles qu'il faut surveiller. Ce n'est pas normal que les dirigeants de l'église regardent comme ça comment visiter les frères qui sont à l'aise. Ceux-là qui n'ont pas la reine d'état assez pour venir. Ceux qui vivent mal, ceux qu'on cherche à faire la maison, c'est eux qu'il faut visiter pour regarder comment vous vivez. Malgré cette difficulté, comment tu fais pour arriver ici? Vous voyez cela? Et les soutenir parce que Dieu veut cela. Amen. Monsieur, je crois qu'il veut parler avec vous de conducteur aussi avant de partir. Amen. Il faut que les choses changent. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas marcher en dehors de l'amour. Si vous n'aimez pas, Dieu ne vous donnera pas la puissance du Saint-Esprit pour fonctionner avec. Ça ne peut pas marcher. C'est en fonction de votre du degré de l'amour pour le Seigneur que ça va marcher avec vous. Si vous voulez seulement avoir les discussions, il ne vient pas là pour discuter. Il vient établir son règne. D'accord, mon cher? Question? Oui, là-bas. Épuisez votre question pour que ça me dise là qu'il n'y ait plus de questions. Pour que je donne ce que j'ai encore à donner. Priez pour la Yamoussoukro. Il y a des discussions là-bas. Yamoussoukro. La capitale. La capitale. Priez. Il y a des discussions là-bas. Oui, pour des questions. Des ordres. Des timidités. Non, pas comme ça. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais de force. Oui. Tu as vu un enfant de Dieu timide dans la Bible? Non. Tu as vu dans la Bible? Non. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas timide. Dieu n'a pas une partie timide en lui. D'accord? C'est qu'il faut être délivré. Oui. Donc cherche des choses. Parce qu'on a dit que ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné. Même si tu es timide naturellement, quand le Saint-Esprit vient, tu vas savoir que tu n'es pas timide. Enfin, oui. Maintenant, le Saint-Esprit, là, je voulais aussi savoir, avoir plus de questions sur Matthieu 5, verset 45. Oui. Où on dit Dieu qui est bon fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Tout à fait. Oui. Est-ce que sur ce verset-là, est-ce qu'on peut dire que celui qui est soit le païen, oui. Est-ce qu'il peut recevoir en fait le Saint-Esprit? Oui. Ça vous paraît bizarre, non? Fais attention. Regarde bien. Tout à l'heure, j'ai expliqué sur le tabernacle, le processus que le Saint-Esprit fait à l'intérieur du corps pour tabernacler, pour montrer que ce temple-ci m'appartient. C'est différent que Dieu utilise quelqu'un instantanément. Parce que Dieu utilise même Satan pour faire son œuvre. Comment ça te surprend? La Bible déclare justement là-bas, et dans le livre de Hébreux chapitre 6, il parle clairement que Dieu fait pleuvoir sur le juste, que lorsqu'une terre abreuvée par l'eau qui tombe souvent, elle se produit le chardron, et c'est qu'il est prêt pour être éprouvé pour le feu. C'est pas ce qu'il dit. La même eau qui sort, l'eau là, elle semble de quoi, frère? Quand ça tombe dans le champ là-bas, l'ivraie qui sort là-bas, où vous débroussez votre terrain comme ça pour préparer le terrain, vous mettez vos semences. Vous débroussez comme ça, c'est sec, vous mettez la semence là-bas, vous semez seulement la semence de maïs. Vous rentrez en rentrant comme ça, la première chose qui est sortie, c'est qui? Ils sont d'où? Mais quand l'eau tombe là-bas, ton maïs là pour seul. Non. Donc ça dit, quand le maïs dit, oh, Alléluia, l'ivraie chante Alléluia plus que lui. Donc, le Saint-Esprit peut agir sur les non-croyants. Non, attends, doucement. Quand ces choses sont faites, allez doucement pour bien assimiler. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Pour le baptême du Saint-Esprit, c'est réservé aux croyants. Le baptême du Saint-Esprit est réservé aux croyants. L'utilisation, Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire son œuvre. Il a utilisé Cyrus dans Ésaïe chapitre 45. Vous voyez, il a utilisé Cyrus. Il a appelé son serviteur qu'il va affronter, faire toute sa volonté et qu'il va annoncer que le temple soit bâti. N'est-ce pas? Ok. Vous avez les songes aujourd'hui que le pauvre vous poursuit, non? Que vous voulez, vous voulez tomber, vous voulez vous tuer, non? Pharaon n'a pas eu ce genre de songes là. Il a eu le songe pour la révélation comment changer l'humanité par rapport à la famille. Vous savez moi? Nebuchadnezzar a eu le songe qui explique toute la Bible du début jusqu'à la fin. Nebuchadnezzar. Vous avez connaissé l'histoire de cette grande statue là, non? Que quelque chose soit pour venir tomber, pour vous frapper là-bas. Il a donné ça à un juif. À qui? À un païen. Mais n'est-ce pas la Bible déclare quand le Saint-Esprit va venir sur toi, ça va donner les songes et les trucs. Pourquoi ça va donner à un païen et non à un juif? Vous comprenez cela? Mais pour ce qui est d'être scellé, ce sont ses enfants à lui. Galates chapitre 4. Amen. Amen. Si vous lisez votre Bible dans le livre des Genèse, pendant que vous allez chercher, si vous lisez votre Bible, en fait, c'est plein dans la Bible. Si vous lisez votre Bible, vous êtes avec moi. Vous lisez votre Bible dans le livre des Juges, au chapitre 6, 7. Chapitre 7. Tu cherches quoi, ma soeur? Tu cherches quel livre? Hein? Galates, ok. Si vous lisez votre livre dans le livre des Juges, chapitre 6 et 7, parlant de Gédéon, vous allez remarquer comment Gédéon va mettre à l'épreuve quand Dieu va l'appeler. Il va le mettre à l'épreuve que si c'est vraiment toi qui me parles, je mets cette boule de tissu ici, là. Et que le matin, il faut que le tissu soit mouillé et que l'extérieur soit mouillé. Dieu l'observait seulement. Il finit, il voit le matin, il fait comme ça, waouh, c'est plein. Après, il dit, ok, ne dis pas que tu te déranges, hein. Si c'est vraiment toi, vrai, là, que le matin, maintenant, c'est facile, ce soit le sol et non ceci. C'était ainsi. Maintenant, Dieu va lui demander que va faire la revue de tout pour qu'il descende. Il va descendre avec toute une population. Dieu dit non. Si tu dis ça avec tous ces soldats-là, ils vont gagner, ils vont croire que c'est leur force. Va vers l'eau. Je vais te montrer qui va devenir sélectionné. Dieu a sélectionné combien de personnes? 300 personnes. J'ai dit, vous lisez la Bible ici. Il raconte, vous me dites quoi que c'est? C'est pas le film, c'est dans la Bible, ça se trouve. Alors, les 300 personnes vont être prises maintenant. Jusqu'à là, Gédéon va avoir peur. Dans la nuit, il est en train de douter. Dans la nuit, écoutez très attentivement. C'est ça, il dit, la Bible est amusante. Il est en train de vouloir lutter contre l'ennemi. Lui, il a peur d'aller affronter l'ennemi, malgré que Dieu a donné toutes ces preuves-là. Dieu lui dit, si tu as peur, descends dans le camp ennemi le matin, tu vas savoir de quoi il est question. Et qu'il traite tôt le matin, il prend une nécessité, descend le matin. À l'instant où il arrive, il y a un soldat ennemi qui se dit, il dit, boum, il regarde son voisin, gars, il dit, oui. Souviens-toi de ce moment. Dieu attend jusqu'à ce que Gédéon et son ami s'approchent du camp de l'ennemi. Ça, ce sont les ennemis. Le soldat lui dit dans la nuit, si j'ai vu un songe, l'autre lui dit, raconte. Ils sont en train de parler aux assez. Il croit qu'ils parlent entre eux. Mais c'est Dieu qui leur donne le renseignement, de donner le renseignement à ceux qui vont venir les tuer. Vous parlez de Dieu. Hein? Alors il dit, qu'est-ce qui était son songe? Il dit, mince, j'ai rêvé comment il y avait un tonneau qui est sorti sur la colline là. C'est venu fracasser notre camp comme ça, j'étais sans descendre dessus. Quand il a fini son songe, l'autre qui est devant dit, ce que tu as vu là, hein, c'est l'épée de Gédéon qui va nous finir ici là. La Bible déclare, ayant entendu le songe et l'interprétation, il a compris que l'Éternel livrait le camp de Madian entre leurs mains. Mais Dieu n'a donné ni le songe ni l'interprétation à un juif, mais chez l'ennemi. Fais attention avec le Dieu qu'on sert. Vous voyez, regardez le Seigneur Jésus le jour quand il devait être livré. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 11, lorsqu'il a délivré Lazare de la mort, qu'à partir de ces jours-là, les gens ont arrêté que non, ils vont tuer, que beaucoup de gens. Alors, à partir du verset 45, la Bible déclare que quand ils sont allés vers les sacrificateurs, ils sont réunis. On dit que, vous voyez, le gars là, il faut qu'on le tue. La Bible déclare que l'un des nommés Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, il a seulement prophétisé. Il a dit que vous n'y voyez rien. Il est normal qu'un seul être mette pour tout le peuple, que tout le peuple soit sauvé. On dit, or, étant souverain sacrificateur, il ne parlait pas ça de lui-même. Mais il prophétisa que Jésus devait mourir, non seulement pour le peuple, mais afin que de réunir dans un corps les enfants de Dieu dispersés. Est-ce que lui, en disant, il croyait qu'il savait qu'il prophétisait? Qui prophétisait dans sa bouche? Donc, faites attention. Faites attention. Galates chapitre 4. Ah, vous n'avez pas de Bible par ici? Alors, lis-nous le verset, lis-nous 6 et 7. Allons-y. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. C'est bon. Vous avez entendu ce qu'on a dit ici? Donc remarquez très attentivement ce que tu as dit. Il dit que c'est parce que le Saint-Esprit vient donc, c'est vers ses fils que ça vient. Vous n'êtes pas fils de Dieu parce que le Saint-Esprit vient en vous. C'est parce que vous êtes fils de Dieu que le Saint-Esprit vient. C'est ça qui a embrouillé votre monsieur qui était ici la dernière fois, qui dit qu'on est avec le Saint-Esprit depuis la fondation du monde. On est élu avant la fondation du monde. Dieu te connaissait avant qu'un atome n'arrive, avant qu'il ne crée n'importe quoi. Donc, comme il te connaît, il prédestine qu'il va te donner le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Dieu n'est pas un être humain qui dit que, ok, j'ai envoyé celui-ci à l'école, je voulais qu'il soit médecin, il m'a déçu. Tu m'es déçu ici dehors. Dieu n'est pas comme ça. Avant qu'il ne dise, je t'ai choisi, il sait que tu vas arriver à ta mission. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour cela. Il n'est pas quelqu'un qui va dire, ok, changeons de stratégie. Dieu ne change pas de stratégie. Tout marche comme il a voulu dès le départ. Il n'y a rien qui a été modifié. Il dit, depuis que Dieu a pensé créer la terre, le ciel, tout ce qu'il trouve, il n'y a rien qui a été modifié ou bien qu'il a supprimé. Tout marche comme il se doit. David dit de lui que avant qu'aucun jour n'existe, tous les jours de son livre étaient écrits sur son livre, avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc tout ce que David devait faire sur la terre, il l'a fait. Dieu n'est pas quelqu'un qui va choisir un homme. Il dit que Michael, le serviteur, ce qu'on avait choisi, nous a déçus. Enlevons-le sur la terre parce qu'il nous a déçus. Non, c'est pas. Tous ses serviteurs font exactement ce qu'il a voulu. Tous, sans exception. Il n'y a pas un pasteur qu'on choisit s'il détourne. Jamais. C'est que vous allez dire que Dieu n'est pas infiniment sage. Il est infiniment sage, il est tout puissant. Et comme il est tout puissant et omniscient, omnicomp, il peut donc prédestiner quelqu'un. Quand il est prédestiné, le moment arrive, tout arrive au bon moment. À l'instant où il a voulu. Regardez l'apôtre Paul. Il ne savait pas qu'il était un apôtre. Il dit, mais celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Donc c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il avait mis à part dès le sein maternel. De me révéler son fils. Vous voyez? Donc Dieu avait dit que va étudier. Il va étudier. Va là-bas chez le Romain, tu parles. Donc les droits même qu'il avait chez le Romain pour avoir la paternité ou la nationalité, il ne savait pas que c'était pour l'utilisation plus tard. Quand il arrive quelque part, le tap-tap, il sent que le Saint-Esprit dit, mon ami, tu n'es pas Romain ou tu es Romain? Il dit, oui. Mon ami, vous tapez Romain, il dit, hein, tu es Romain? Il dit, ouais. Vous voyez là, n'est-ce pas? Parce que ça devait lui servir de longtemps pour aller prêcher chez le Romain. Mais quand il fait ça, il croit que c'est lui qui en est de faire. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons faire tout avec Dieu. Et nous voulons comprendre que Dieu nous dit d'abord tout avant qu'on avance. Comprenez comme ça, vous allez le comprendre, vous allez voir. Il ne parlera pas. Vous avez moi là. Hein? Écoutez, parce que vous êtes fils, parce que vous êtes fils, vous êtes d'abord fils pour que le Saint-Esprit vienne entrer en vous. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé. On n'a pas dit que Dieu envoie l'Esprit de son fils pour que vous deveniez fils. Celui-ci disait que j'ai le Saint-Esprit avant la fondation du monde, c'est ce que Éphésiens dit. Il n'a pas voulu parler parce que ces jours-là, ça devait nous tirer ici. La Bible déclare que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons quoi? Des enfants d'adoption. Donc il a choisi que tous ceux que j'ai élus, tous ceux que je vais sélectionner, c'est en Christ que je vais les choisir. Quand Christ va se manifester, je vais les prendre. On appelle ça la postérité. L'héritier sera la postérité. Donc ceux qui devaient venir par Christ. Donc quand tu viens maintenant par Christ, maintenant en Christ, donc se trouve la promesse. L'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 2, verset 39, car la promesse est pour vous. La promesse du scellement de la postérité. Vous voyez, c'est pour vous. Donc le Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire fils de Dieu. Non, on est fils de Dieu pour avoir l'Esprit. Par conséquent, si tu n'es pas sélectionné dans les fils, oublie l'affaire. Là. Des questions? Ah, ça, vous êtes fâché? Non. Oh. Attendez, si le chat fait ça, nia, nia, nia, il dit qu'il veut être chien. Il peut. Est-ce qu'il pourra? Ok. Oui. Peut-être être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue. Absolument. Mais c'est biblique, non? Oui. Le remplissage du Saint-Esprit n'amène pas le parler en langue. La seconde, c'est que pose la question avant qu'on arrive. Comment distinguer une voix parlant en langue? Bonne question. Écoutez très attentivement. Ne confondez pas remplissage du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le tabernacle de Dieu dans le corps. Le remplissage du Saint-Esprit, c'est la capacité spontanée de Dieu sur un être humain pour faire une œuvre. C'est deux choses différentes dans la Bible. D'accord? Parce que sous l'ancienne alliance, les gens étaient remplis du Saint-Esprit, sans être baptisés du Saint-Esprit. Quand Zacharie quand l'ange est venu voir Marie, là, comment ça s'appelle, Élisabeth, et puis il allait voir Marie. Quand Marie est venue rendre visite à Élisabeth, la Bible déclare que lorsque la voix de Marie a frappé sur ses oreilles, Élisabeth tressaillit de joie et fut remplie du Saint-Esprit. On est sous l'ancienne alliance là. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle dit comment est-il possible que la mère de mon Seigneur puisse me visiter? Elle ne parlait pas en langue. Vous voyez? Puis quand elle a fait comme ça, Marie aussi a commencé aussi sa part. Il dit, mon âme exalte le Seigneur. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Oh, quand Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit, elle a fait des déclarations prophétiques. Quand Marie a été remplie du Saint-Esprit, elle a fait des déclarations prophétiques en faisant tout, en retraçant toutes les promesses que Dieu avait fait à Abraham. Vous avez vu cela? Quand Zacharie, le jour où Jean-Baptiste va naître, on va demander quel est son nom. On va prendre la table pour lui donner. On dit, à cet instant-là, sa langue se délia. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit. À partir dans Luc chapitre 1, verset 65 et descendant, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? On dit que nous rendons grâce au Seigneur qui avait promis en ces termes. Voilà ce qu'il disait. Donc, quand elle est remplie du Saint-Esprit, chaque fois que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit dans la Bible, il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois. D'accord? Soit quelqu'un est rempli du Saint-Esprit pour frapper et tuer. Soit elle est remplie du Saint-Esprit pour faire une déclaration et que quelque chose se passe de façon instantanée. Maintenant, ça, je vais prendre Élisabeth. Zacharie, Marie. Rentrez dans l'Ancien Testament, vous allez entendre que l'Esprit fut sur Samson. L'Esprit commença à l'agiter. Vous voyez ça, n'est-ce pas? L'Esprit fut sur lui. Donc il est rempli du Saint-Esprit. Il tape 3000 personnes, il tue. Après, quand il dépose l'os là, il revient lui-même. À cet instant-là, une personne peut le taper. Parce que la capacité qui était sur lui était la capacité de Dieu. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Vous êtes ça? Maintenant, regardez maintenant la nouvelle alliance après le baptême du Saint-Esprit. Dans les Apôtres chapitre 2, les disciples seront revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Chapitre 3, en allant dans le temple, ils vont guérir quelqu'un qui a les... Je vais trop vite là. Hein? Ok, c'est bon. Alors, ils vont guérir quelqu'un qui a les pieds estropiés. Quand ça va arriver au temple, maintenant, on va aller les chicoter. Au chapitre 4, on va les laisser maintenant pour leur dire, ne plus prêcher au nom du Seigneur Jésus. Ils vont rentrer vers les ils vont se réunir ensemble. Seigneur, c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur, pourquoi es-tu timide parmi le peuple? En effet, dans cette ville et dans ce pays, Hérode et Ponce Pilate ont fait ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Puis dit, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. On dit, lorsqu'il eut prié, le lieu où ils étaient réunis trembla, il fut rempli. Vous avez vu le mot? Il fut rempli de cet esprit. Ils sont partis annoncer la parole de Dieu avec assurance. Or, on parle ici de ceux qui avaient été baptisés du Saint-Esprit à chapitre 2. Là, ils étaient remplis parce qu'ils leur feraient l'assurance. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Pour aller annoncer la parole. Donc, ils étaient baptisés. Là, ils étaient remplis. L'apôtre Paul lui-même avait été baptisé du Saint-Esprit lorsque Agabus l'a rencontré. Si vous lisez Acte chapitre 13, au verset 8, la Bible déclare qu'elle est descendue là-bas. Il y avait un monsieur là-bas qu'on appelle Sergius Paulus. Vous voyez, le proconsul qui était là-bas avec un monsieur qu'on appelle Elimas. Quand la Bible déclare qu'il a appelé Paul, désirant écouter la voix du Seigneur, l'apôtre Paul était en train d'expliquer la Bible. Elimas faisait opposition. La Bible déclare un moment donné Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit. Vous avez vu ça, hein? Tout quand il était là, il était baptisé du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit en lui. Elimas peut faire opposition, donner les contre-sujets. Il donne les paroles, il donne pour lui. Quand Dieu prend place, ça change la donnée. Alors, souvenez-vous que les prédicateurs ont les armes offensives et défensives. Parce qu'à tout moment, le Saint-Esprit entre en action. Tout moment! Vous saisissez ça? Quand le Saint-Esprit entre en action, on dit Paul, Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, se tourna. Quand il s'est tourné vers lui, ce n'est plus Paul avec qui il discutait tout à l'heure. La déclaration qui sortait, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Donc, Paul a été rempli du Saint-Esprit instantanément pour déclarer l'aveuglement sur Elimas. Il dit, fils du diable, ouvrier l'iniquité, jusqu'à quand nécessaire-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici l'obscurité, les ténèbres tomberont sur toi et tu chercheras à tâtons les voies pour se trouver. Lorsqu'il a fini de parler, il a commencé à faire comme ça. Voilà, n'est-ce pas? Donc, Paul baptisé du Saint-Esprit, Paul rempli du Saint-Esprit. Chaque fois qu'il y a le remplissage du Saint-Esprit dans la Bible, il y a quelque chose qui se passe de façon spontanée. Oh, et vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit constamment. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit constamment, vous allez mourir dans les secondes qui suivent. Vous voyez? Donc, allez là-bas, on vous dit que non, plus que ça est rempli du Saint-Esprit. On n'est pas rempli du Saint-Esprit pour pouvoir dormir. Pour pouvoir dormir, il faut avoir confiance à Dieu pour dormir. Le remplissage du Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne la capacité instantanée pour faire une œuvre le concernant. C'est ce qui s'est passé avec Actes chapitre 5 lorsque l'apôtre Pierre prononçait la sentence à Saphira. Quand il a dit, est-ce en ces moi ce qui va, c'est pas Pierre qui parlait. Vous voyez, il était dans ce revêtement-là. Saphira et Ananias, vous connaissez là, hein? Mm-hmm. Est-ce en ces quand vous avez baptisé? Parce qu'il causait chaque fois, oh Pierre, oh, ils peuvent jouer au ballon ensemble. Ils jouent au ballon ensemble. Quand le Saint-Esprit vient là-bas, s'il botte la prochaine fois, c'est plus lui. Donc, je crois qu'il va faire la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le remplissage du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ne se trouve pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit consiste en l'Esprit de Dieu venant tabernacler dans un corps humain pour ne plus sortir. Alors que le remplissage du Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu sur un homme, ça peut quitter. D'accord? C'est parce que vous êtes ici. Voilà. Maintenant. Oui, frère. Oui, il y a une seconde question. Oui. Le vrai parler en langue. Maintenant, c'est d'abord quoi le parler en langue? Parce qu'il faut, pour distinguer le vrai du faux, il faut d'abord savoir ce que c'est. C'est la question que je vais poser. Donc, toi et ton mari, vous vous êtes associés alors pour poser la question. Qui sait ce que c'est que le parler en langue? Bon, qui a été pentecôtiste ici? Qui a été chez les évangéliques? Balancez comme vous balancez souvent, il y a un temps, il voit. Vous ne voulez plus faire ça, vous faites ça en privé. Riba, papa. Marcel, tu faisais comment? On a tapé ta tête, ça ne sortait pas. Ça faisait comment? Bon, toi tu parlais comment? On t'a pas fait que tu parles en langue. Oh. Bon, que Dieu vous bénisse. La première fois que la langue a été parlée, c'était quand là? Il y a eu parlé en langue dans la Bible, c'est quand? Parlez. Allez. À Babel, c'est dans la Genèse. Voilà. Voilà. La première fois dans la Nouvelle Alliance où ça s'est passé, c'est où? À la Pentecôte. Maintenant, lisons la Pentecôte. Ouvrez de la Pentecôte. Vous ne pouvez pas chercher la différence entre quelque chose et une autre chose sans que vous ne connaissez pas ce que d'abord le vrai. Il faut d'abord savoir ce que c'est. D'accord? Et puis aussi, vous devez savoir aussi ce que ça ne ce n'est pas. Donc le parler en langue des gens c'est pas ça. D'accord? Ce n'est pas ça le parler en langue, c'est pas une langue ça. Vous êtes dans chapitre 2. Qui peut lire ici rapidement? À haute voix. Non, c'est toi frère, tu es en blanc, non, comme le choriste. Il n'y a pas de problème, lis là-bas. À partir du verset 1, chapitre 2, oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Stoppons. Vous avez remarqué qu'on n'a pas dit ici parler en langue, on a dit que en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ces langues-ci, ce sont les langues que c'est l'Esprit qui leur donne de parler. Autrement dit, c'est l'Esprit qui parle cette langue au travers d'eux. N'est-ce pas? Première question. Quelqu'un leur a appris ça? Non. Quelqu'un leur a dit, ouvre ta bouche, comment tu ta langue, ça va venir. Continuons la lecture. Verset 5. Or, il avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Oui. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Écoutez très attentivement. Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Des merveilles de Dieu. Vous avez entendu ce qu'il dit ici? Donc, on dit que la première manifestation, quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois dans l'église et a pris le contrôle du corps, le Saint-Esprit a donné l'habilité aux gens de parler. Et lorsqu'on parlait, la surprise était de terre parce qu'en ce moment-là, en séjour à Jérusalem, il y en a plus de 15 nationalités là-bas. On dit, les gens étaient surpris. Ils disent, ces gens, ceux qui parlent là, ne sont-ils, ceux qui sont en train de parler, leur nature, ils sont galiléens. Comment est-ce que ceux qui parlent là, on entend dans notre propre langue maternelle des merveilles? Ils étaient étonnés, pas vrai? Ça veut dire que le parler en langue, c'est le parler en langue des anges, n'est-ce pas? Qui a dit c'est ça là, comme ça là? Donc ça dit que les gens là étaient les anges? Non. Jésus, notre Seigneur, avait dit dans Marc, chapitre 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues, c'est-à-dire une langue qui est nouvelle par rapport à ce qu'elle connaît. C'est pas ça? Sur cette définition-là, ce que le Seigneur a dit et ce qui est arrivé, ça montre clairement la perversité qu'il y a chez les pentecôtistes ou chez les charismatiques. Parce que le début, c'est ici. S'il y a n'importe quoi à voir, c'est ici. Voici le modèle. Voilà le modèle là-bas. Donc s'il y a n'importe quoi qui crée la confusion, au moins là où c'est clair, venons voir ce qui est écrit. Là-bas, c'est dit que la langue que les gens parlaient, d'autres entendaient. Donc le parler en langue, c'est la langue des hommes. Point final. À haute voix. Ça revient un peu ce que une femme ma mère m'a raconté. Elle disait que une femme parlait en langue et puis il y a un Libanais qui est quelqu'un de notre nationalité qui a été invité à l'église. Oui. Et puis il était étonné d'entendre que cette dame-là disait des merveilles dans sa langue. Alors ça c'est le parler en langue. Dans ce cas ça c'est le vrai. C'est vrai, on dit que s'il y a quelqu'un ici par exemple qui est de Kinshasa, par exemple de Lingala. Quelqu'un parle ici, c'est lève comme ça, il parle, tu peux entendre le son. Ça ne te fait rien. Toi qui ne comprends pas la langue, tu peux savoir ce que ça veut dire. Ça va être du charabia pour toi. Mais la personne à qui ça décide, elle entend exactement ce que ça veut dire. Mais la personne, même vous entendez, vous demandez à la personne que qu'est-ce que tu as dit. La personne ne sait pas, mais la personne l'a entendu. C'est exactement au chapitre 2 là-bas. C'est donc ça, nous parler en langue. Alors les pentecôtistes parlent quoi aujourd'hui? Chacun rabba, shabba, rabba, shabba, rabba, shabba, rabba. Voilà. D'accord. Maintenant, écoutez très attentivement. Maintenant, il n'y a pas de parler en langue sans le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le don de l'Esprit. L'Esprit vient d'abord, puis accorde le don comme il le veut. Vous me suivez? Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare que un seul et même esprit opère ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. À l'un est donné la parole de sagesse, à l'autre la parole de connaissance, à l'autre le don de prophétie, à l'autre le don de langue, l'interprétation, la guérison, les miracles, ainsi de suite. Un seul et même esprit fait ces choses-là. Mais le problème, c'est que l'esprit vient d'abord, puis donne le don. Mais maintenant, on dit qu'il faut plutôt faire comme ça, que l'évidence de la présence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est quand même terrible ce que les gens peuvent faire aujourd'hui-là. Le Saint-Esprit vient d'abord, puis le don ensuite. Et maintenant, la Bible déclare, si vous lisez votre Bible et vous suivez ce que les pentecôtistes enseignent, vous allez voir que c'est deux choses différentes. On vous dit que si vous ne parlez pas en langue, c'est que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Vous lisez la Bible pose la question, est-ce que tous parlent-ils en langue? Non. Ah. Si tous ne parlent pas en langue, et que les pentecôtistes disent que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il veut parler de que la Bible dit que certaines personnes ne doivent pas être baptisées du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça? Non. Le don de langue, c'est un don, comme vous entendez. Ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de parler. Vous voyez? Parce que s'il vient, il peut donner l'interprétation à l'un, donner le don de guérison à l'autre. Celui qui reçoit la guérison ne parle même pas en langue, mais quand il faut se manifester dans la guérison, c'est lui qui se manifeste. Mais le fait qu'il se manifeste dans la guérison et que l'autre parle en langue, ne veut pas dire que comme tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. C'est que aussi toi, ce qui parle en langue, qui ne guérit pas, toi, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. C'est la Bible ici, mon frère. Alors, un seul même esprit le dispute pour que si une langue est donnée, la personne a rendu ministère comme il se doit. Quand il s'assoit, l'autre donne l'interprétation. Celui-ci aussi rendu ministre. Un seul et même esprit. Nous partisons dans un seul et même esprit. Pour faire ces choses pour que chacun soit édifié. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous voyez les pentecôtistes maintenant. C'est ça qui fait ces faussetés-là. Chacun veut parler. Là, oui, papa, tous parler. Et on commence à construire des doctrines tout autour. Que quand tu es à la maison, prie beaucoup en langue. Quand tu pries, ton corps chauffe, tu montes spirituellement. Tu montes, tu veux t'envoler, tu es l'oiseau. Hein? La Bible déclare qu'on prie pour monter quelque part. Que non, si tu ne pries pas comme ça, là, tu ne pries pas comme ça. Quand tu pries, prie en langue secrète parce que c'est que ton mariage, là, si tu ne pries pas comme ça, Satan va bloquer ton mariage. Donc quand tu pries, tu parles en langue, là, on dit que c'est la langue des anges. Lui n'est pas un ange. Ou bien quand on l'a chassé, là, il a oublié les langues là-bas. Il ferait pose la question. En fait, je me rends compte qu'il y a deux sortes de langues. Oui. Il y a la langue. Oui. Qu'on comprend. Oui. Moi, certains comprennent. Oui. Et il y a la langue qu'on interprète. Oui. Parce que d'après ce que vous venez de dire. Oui. Paul a dit, dans l'église, on doit avoir l'interprète. Voilà, l'interprète. Uh-huh. Donc, la langue interprétée, oui. Il s'agit de quelle langue? C'est exactement cette langue-là. Je prends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Parce qu'il y a des groupes qui disent non. Non, je comprends. Non, je comprends. Tout ce qui tourne autour, là, c'est le but de ma venue sur la terre. C'est le but de ma venue sur la terre. Tout ce qui se tourne autour, je connais. Toutes les questions et toutes les discussions qu'on peut faire, tout autour, je connais. Alors, si tu parles le lingala ici, la personne qui entend le lingala, il va entendre, non? Oui. Celui-ci, il entend. Non. Si un l'interprète, tu vois, l'interprète va dire ça en français, ce que tu veux dire en lingala, pour que la personne puisse comprendre en français ce que tu viens de dire. Tu as donc interprété le parler en langue que tu as parlé. Voilà, c'est ça l'entrée des questions. C'est pas ribibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib. Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Repentez-vous, c'est pas ça. Il n'y a pas la langue des anges. Il n'y en a pas la langue des anges. Votre Bible enseigne que chaque fois que les anges sont venus sur la terre, ils ont parlé la langue des hommes. Ouais, Jésus lui-même, dans la lumière, dans le soleil, quand il a parlé à Paul, il a parlé en langue hébraïque. D'accord? Si un ange vient dans votre village ici, même où c'est habité, il va parler cette langue-là. S'il rencontre une maman qui ne parle pas français, il va parler sa langue. Cette même langue-là, s'il part en France, il parle le français. S'il part en Angleterre, il part en arrière, il parle là-bas. Parce que quand il vient ici, ils ont la capacité. Le spirituel domine sur le physique. D'accord? Je vous pose la question, n'est-ce pas? Vous avez lu l'Apocalypse au moins une fois. Hein? Vous avez là lu Apocalypse, au moins une fois. Ouais. Ok. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 7 et chapitre 14 qu'il y avait une multitude devant le trône qui tenait les palmes. Les quatre êtres vivants élevaient les 24 vieillards décomposés de couronnes. Et Jean a entendu une voix tonnante comme les tonnerres. Tous disaient, Seigneur, tu es digne de prendre le couronne, ainsi de suite, parce que tu as été immolé, ainsi de suite, n'est-ce pas? Quand il disait ça, tout le monde disait ça. Et on a dit que tous les gens qui avaient été rachetés sur toute la terre, toute tribu, comment ils parlaient au même moment? La même chose, et j'ai entendu ça. Ils parlent quelle langue? S'ils sont sortis de tous les tribus. C'est la langue des langues? Des gens. Ça veut dire qu'au ciel, là, ils parlaient une seule langue, et j'ai entendu cette langue-là. Ceux-là, ils avaient appris cette langue-là à quel moment? Puisque les 24 vieillards parlent la même langue, les 4 êtres vivants parlent la même langue, ceux de Chine parlent la même langue, ceux de Mésopotamie parlent la même langue. Là-bas, tout, c'est parce qu'on dit que c'est toutes les langues qui sont sous la terre, au ciel. Tous les tribus étaient représentés là-bas. Jean a entendu un seul cantique que tous ont chanté. N'est-ce pas, frère? Ce qui se faisait, ça faisait un gros bruit. Et Jean dit que ce qu'il disait dans le cantique là, c'est ça. Donc, c'est la même langue que tout le monde a parlé. Donc, combien de langues y a-t-il au ciel? Une seule langue. Mais ici sur la terre, les gens disent que c'est la langue des anges. n'y a pas de village chez les anges là-bas. C'est ici, quand vous avez un village, que vous avez une langue. Un village, une langue. Parce que c'est nous qui avons désobéi devant Dieu. Il nous a dispersés sur la terre pour qu'on ait plusieurs langues. En haut, il y en aura plusieurs. Me suivez? Et si c'est une seule langue qui est parlée en haut, si ça vient, si c'était la même langue, alors si c'est rababa, rababa, c'est tout le monde devait dire rababa, rababa, parce que c'est la langue. Vous voyez? Quand on voit le quand on parle français, je parle français ici en Côte d'Ivoire. Si il veut quelque part parler le même français, on va entendre parce que c'est le même mot qu'on utilise. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc si c'est le français qu'on parlait en haut, qu'on a la langue des anges, s'il parle partout, ça va être la même chose. On peut pas faire ici, l'autre fait ta ta ta ta ta ta ta, c'est la langue des anges. Alors que les langues, les anges ont un seul, une seule langue. Là, tous là, vous faites titi, tcho, tcho, tcha, tcha. Laquelle donc est pour les anges. Vous comprenez? Donc il faut qu'on aille dans la repentance. Il y a l'esprit de séduction au milieu chrétien. Ça va faire des temps, quand les gens disent comme ça là. Vous voyez, on fait, vous, chez vous, ici vous dites qu'on fait des séminaires pour pouvoir apprendre ça aux gens. Quand quelqu'un va sortir là, il va dire qu'il est baptisé du Saint. Quand tu vas lui dire que le frère, tu pas le Saint, tu vas dire, hé, hé, hé, macha, ya, ya, ya, ya, ya. Ça va faire beau temps pour que l'esprit vienne. Le jour où il va accepter la repentance et accepter que Dieu le brise, que le vrai esprit entre. Sinon, il va continuer à la tromperie, l'usurpation et aller finir comme ça là. Oui, mon frère. Ce sont les choses que si vous avez le temps, on peut bien développer en lisant le livre de Corinthiens, là, on développe. Parce que c'est dans 1 Corinthiens 13, verset 1 qui parle que quand il parlait de la langue des anges, s'il n'est pas l'amour, ainsi. Quand vous avez la langue des anges là-bas, voilà, la langue des anges. Les anges parlent quand même. Et s'il parle, il va parler une langue. Mais il n'y a pas des langues. Parce que le bon sens voulait qu'il comprenne qu'il n'y a pas des langues. Michael ne parle pas, n'est pas d'une tribu. Et Raphaël, ou bien comme vous appelez, c'est les autres anges. Gabriel sont d'une autre tribu. Et qui se rencontrent, ils ont besoin d'interprétation. La preuve en est que quand vous êtes au ciel, écoutez-moi très simplement, je vais dire quelque chose maintenant. Maintenant, regardez-moi simplement. Quand vous allez au ciel, non. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, l'une verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oui. Celui qui prophétise édifie l'église. Oui. Je désire que vous parliez plus en langue. Oui. Mais encore plus que vous prophétisiez. Amen. Vous savez, viens encore dire quelque chose dans ces versets. Comment on peut tordre les versets pour pouvoir faire ce que nous concerne. L'apôtre Paul dit dans ce verset 4, la partie B, que je désire tout ce que vous parlez en langue bien plus que vous prophétisez. Il y a des pasteurs pour faire que tout le monde parle, dit que voici l'apôtre Paul qui dit que je désire que vous parlez en. Ça, c'est au chapitre 14. Quand vous rentrez au chapitre 7, il a dit que je désire que tout le monde soit comme moi. C'est-à-dire non mari. Non mari. Est-ce que quelqu'un est-ce qu'il réclame ça? Personne ne dit pas que ok, arrêtons le mariage. Consacrons-nous à Dieu. On dit non, non, non, non, c'est la faute de posséder son affaire. Mais si c'est lui qui dit que j'ai désiré que vous parlez tout ça hein, en langue. Mais là, on dit que hey, babadé, babadé, babadé. Mais David dit quelque chose. Si vous lisez Matthieu chapitre 17, vous allez voir l'apôtre, le Seigneur va prendre Jean, Jacques et Pierre, ils vont aller sur la montagne. Il va essayer de dire ça pour vous saisir. Quand le Saint-Esprit a couvert le lieu, ils sont entrés dans une autre dimension. On dit que deux êtres leur sont apparus. N'est-ce pas, frère? Qui est qui? Mais là, je vous pose une question. Lorsqu'on rentre sur le plan physique, y avait-il la photo d'Élie et de Moïse en Israël? Est-ce qu'il y avait la photo d'Élie et Moïse? Non. Je pose la question, comment Pierre a su que voici Élie, voici Moïse sans avoir vu les photos? Vous m'expliquez. Le? C'est-à-dire quand il a vu, il a su, n'est-ce pas? En haut là-bas. Si tu vois l'apôtre Paul, tu sauras que voici l'apôtre Paul. Personne ne dit que, s'il te plaît, comme tu vois, celui-ci, c'est l'apôtre Paul. Voici Abraham. Quand tu es là-bas, tu sais tout simplement. Amen. Vous savez, n'est-ce pas? Amen. Il y a de ces choses, quand vous avez votre intelligence à vous, vous pensez que vous pouvez tromper Dieu. J'ai entendu des cantiques terribles là-bas, de ce côté-là. Amen. Et quand, pendant que j'étais là-bas, dans mon esprit, voici ce qu'il disait dans mon esprit, quand je suis venu sur la terre, enfin, étant là-bas, je savais que j'étais hors de mon corps. Bon, je vais dire ça autrement. Donc, je suis de ce côté-ci. Vous savez, j'en ai pensé que je sais que mon stylo est à tel endroit de la maison. Mon cahier est à tel endroit de la maison. Vous voyez que c'est la pensée, même pas amenée. Et donc, dès que je descends, ça, boum, je sais que bientôt je vais me réveiller. Je sais. C'est-à-dire que je suis conscient que bientôt je vais me réveiller. Et cette mélodie, c'est que j'ai entendu. Je vais écrire ça maintenant sur la terre. Ah, l'instant où tu viens de corps, pam, même un mot, tu ne sais plus. Ouais. Parce que c'est de l'ordre de cette dimension-là. Tu restes tranquille maintenant, tu essaies de faire, concentrons-nous, pour essayer de capter c'était quoi. C'est pas dans le cerveau, c'est que ça se trouve, c'est dans l'autre corps. Vous comprenez ce que je te dis? Et là, vous voyez que seulement que le cœur est réjoui. Tu es réjoui. C'est quelque chose est bon ici, mais tu ne sais pas quoi. Parce que ton cœur a touché le cœur du Seigneur. Vous essayez, n'est-ce pas? C'est comme ça dans ce domaine. Quand vous êtes dans ce domaine, vous connaissez quelque chose. Quelqu'un peut parler dans une langue, c'est arabe. Vous entendez ce que la personne dit. Parce qu'en fait, là-bas, il n'y a rien de caché. Rien de caché. Vous regardez quelque chose. Vous voyez un trône. Vous voyez le trône. Personne ne vous donne l'expérience. Vous savez ce que c'est. Pourquoi c'est là-bas? Pourquoi on te fait voir? Le pourquoi c'est comme ça? Ce sont ces choses que mon grand frère a vu. Il a dit que c'est pas possible d'expliquer ici. Parce qu'il n'y a pas de mots ici pour expliquer ces choses-là. Il y a des choses de cette dimension-là. Vraiment. Vraiment des choses de cette dimension. Alors le Saint-Esprit vient. J'ai comme impression que, et je crois que ce sera la meilleure façon que vous allez faire désormais. Si quelque chose vous dérange avec le parler en langue, continuez avec un autre don. Et vous vous posez les mêmes questions que vous avez posées par rapport au parler en langue. Ce n'est pas seulement le don de langue qui est donné. Il y en a 9 là-bas. Il y a pour la guérison. Cherchez le don de guérison alors. C'est parce que vous ne pouvez pas, vous savez très bien que l'autre, on ne peut pas imiter. Parce que tu vas dire, j'ai le don de guérison. Quelqu'un est là-bas, que guéris-moi. C'est ça le problème. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que tu dis que j'ai le don de guérison. On place quelqu'un qui est malade. Parce que si je parle, tu verras, quand c'est faux, qui va savoir? Alors que là-bas, là, on va savoir que lequel est vrai, lequel est faux. Donc, si quelqu'un bavage, non, on passe au suivant. Il y en a 9, d'accord, frère? Voilà. Donc, comme ça, on a pu vous embrouiller avec le parler en langue. Le parler en langue, si vous regardez, même, on dit que c'est même le plus petit de ces dons-là. Et on demande qu'on aspire au don de prophétie pour pouvoir édifier l'église. Avancez, laissez ce qui est plus petit. D'accord? Avancez, laissez cela. Avancez ce qui est donc édifier l'église. Autre question? Dernière question. Oui, posez. Elle dit, ça parle de question, c'est dernier. Donc, elle pose là, c'est la fin. Oui. Oui. On dit de louer la maison missionnaire. Où ça dans la Bible? Bon. Non, c'est on a dit, c'est on qui a dit dans la Bible, dans ma Bible, ça se trouve, il n'y a pas un verset comme ça. Qu'on doit louer les pasteurs. Non, non, c'est pas écrit comme ça dans la Bible. Oui, mais dans toutes les églises, on dit nous. Non, oui, voilà, dans les églises, oui, c'est comme ça. Oui, c'est pas ce que tu veux poser comme question. Il est juste ça. Ou bien les pasteurs qui sont dans les besoins. Oui. Oh, quand tu ne viens pas dans la maison de Dieu, ok. Bon, maintenant écoutez très attentivement. La maison de Dieu, c'est où? Qu'est-ce qu'on appelle la maison de Dieu? Ok, donc c'est ton corps. Mais tant que tu savais comme ça, on te demandait chaque fois que tu viens pas dans la maison de Dieu, tu viens avec 2500, pourquoi? La Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est à l'intérieur là-bas. Donc ne viens pas dans ton corps les mains vides. Ne venez pas dans le main vide alors. Vous voyez comment vous embrouillez, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Prenez Exode chapitre 22. Exode, le deuxième livre de la Bible. Exode, le chapitre 22. On vous a trompé, je sais. Maintenant, on a pu vous tromper. Exode chapitre 22, vous y êtes? Exode, Genèse, Exode, vous y êtes? Moi, j'ai pitié de vous parce que c'est la nuit. Moi, je peux prêcher comme ça jusqu'à le matin, ça ne me dérange pas. Lorsque vous êtes prêts à subir, vous subissez. Exode chapitre 22, verset 16 et suivant. On va prendre verset 15 d'abord. Exode 22, verset 15. Si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Oui. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Stoppons là-bas. Vous avez vu le problème de dot, n'est-ce pas? Bon, maintenant c'est écrit comme ça. Quand le pasteur te dit que quand tu veux te marier là, il faut aller doter. Il a un verset pour dire. Est-ce qu'il a un verset pour dire cela? Il n'en est pas, ça ne trouve pas dans la Bible. D'accord? Et écoutez, ne vous fâchez pas. Si on ne vous vote, ne dites pas que si on ne vous dote pas, c'est comme si vous n'êtes pas important. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dote. En fait, si on vous dote, on vous vend seulement. C'est que votre père vous a vendu comme une marchandise. Hein? Comment? Écoutez, vous êtes tellement précieux que vous n'avez pas de prix. D'accord? c'est la reconnaissance de l'amour de votre mari qui va savoir comment donner le cadeau à votre beau-père. Que non, tu as gardé ma fleur. C'est ça, donc c'est les questions. Maintenant, vous venez de prendre quelque chose. Vous venez de dire qu'on ne vient pas devant le serviteur de Dieu, le même dans la maison de Dieu, le même vide. Maintenant, vous lisez le livre de Lévitique. Vous lisez effectivement la loi, chaque fois, au chapitre 25, lorsqu'on venait à Jérusalem. Il a dit trois fois par année, tout mal doit se présenter devant ma face. Vous avez vu cela? Et l'homme ne se présentera pas devant ma face, les mains vides. On dit trois fois par année. La fête des Soukhot, à la fête des tabernacles et à la fête des pains sans levain. Parce que c'est les trois grandes fêtes où les gens partaient à Jérusalem. Et c'est là-bas que Dieu avait fait résider son nom au temple. Il dit que ces trois fêtes-là, ces trois grandes fêtes annuelles, c'est les mâles qui doivent se présenter. Vous là, les femmes là, vous allez vous présenter où même d'abord pour commencer? Vous partez combien de fois? Chaque dimanche? Où est-ce qu'ils ont pris ce verset? Parce que le verset qui, le verset là dit trois fois par année. Et cette fête, et c'est pas n'importe quel jour. C'est les fêtes durant les trois grandes fêtes dont j'ai cité. Et on dit que ces jours-là, ce sont les hommes qui doivent se présenter. Et on ne se présentera pas le même vide. On explique exactement là-bas. On va venir avec les biens de reconnaissance de tout ce que Dieu a fait durant l'année. Là-bas, vous vous mettez là-bas en signe de remerciement. Vous mangez même avec votre famille. Donc, ce n'est pas pour venir donner, c'est pour venir manger. Allez, toujours, on vous trompe comme ça. Vous y êtes? Vous devez lire la Bible. Vous ne lisez pas la Bible, on va vous tourner comme ça là. Un jour, on va parler des fêtes de récolte, non? N'est-ce pas? Qui a la fête de récolte? Quand on va vouloir construire les choses, on va dire que Salomon avait dit que les gens amènent les enfants pour construire le tabernacle, le temple. Il n'y a pas de temple sur la terre en dehors du croyant. Sur la terre actuellement, il n'y a pas de temple. Il n'y a que deux choses, la loi et la grâce. Quand la loi est mise de côté, c'est le moment de la foi. Quand la foi, la période de la foi va terminer, on va rentrer sous la loi. Et sous la loi, un temple sera encore bâti pour que la loi puisse y être manifestée. Quand la loi n'est pas là, c'est la foi qu'on mange. Donc maintenant, la foi dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Sur la terre, le seul temple de Dieu, c'est le croyant. Il n'y a pas un temple physique de Dieu sur la terre, il n'y en a pas. Quand les croyants seront enlevés sur la terre, il va se tourner vers Jérusalem, là où le temple sera bâti. Là, il va encore ouvrir les sacrifices, offrir les sacrifices. Donc, il n'y a pas un temple, il n'y a pas un seul temple sur la terre en dehors de vous. Amen. Amen. Amen. Oui, mon frère. Vraiment, je pense que c'est une question à poser, quoi. Mais au fait, ça peut dire vraiment à l'assemblée, aux sœurs, vraiment, commençant par où tu as commencé, le béaba. Oui. Voilà, parce qu'on est entré dans une grande dimension, mais il faut travailler. Le bas, et puis on va aller en haut. Oui. Voilà. Vous voyez que le frère a parlé. En touchant la manière de s'habiller, en touchant le voile, tout ça, parce que bon, ça suscite certains trucs en vous. On peut penser que c'est difficile, mais ce n'est pas difficile. Parce que, vous savez, quand Dieu fait sortir... Attends, frère, toi tu es une femme. Hein? Tu es une femme. Non, je ne suis pas. La prochaine fois qu'elle veut venir, moi, elle veut voir ta femme, d'accord? Parce que c'est facile de dire que c'est pas facile. Non, je suis pas encore marié. Non, mais c'est pour ça qu'il dit que la prochaine fois, il faut que quand tu vas te marier, tu veux pas m'embêter. Il n'y a pas de problème, je t'invite. Tu m'invites, viens, non? Il veut voir ta femme aussi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, au fait, quand Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise, il va leur donner des lois et des ordonnances. Pour dire que Israël, il ne devait plus faire ce qu'il voulait. Vu que Dieu leur donne des lois et des ordonnances pour dire, vous ne devez plus faire ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous, à notre temps, Dieu donne la sainte doctrine. Alors, donc, la sainte doctrine a ses principes. Donc, ici, on est entré dans la sainte doctrine, on va dans notre canard. Il faut que ces principes soient restaurés. Et le frère, dans son message, il dit que l'apôtre Paul lui a dit, vous devez restaurer la sainte doctrine. Donc, il faut que ces principes, ça veut dire qu'on fasse ressortir les différents principes de la sainte doctrine. On dit le voile, on dit ceci, on dit cela, on dit la femme doit être soumise à son mari. Tout ça, c'est les principes de la sainte doctrine. Mais si nous ne les vivons pas, on ne peut pas être dans la sainte doctrine. Autrement dit, on peut dire sainte doctrine, mais on ne la vit pas. Absolument. Vous voyez? Donc, c'est ça surtout que nous devons voir. Surtout au niveau des sœurs. Vous voyez que vous-même, vous voyez dans le monde. Comment les autres femmes s'habillent? Mais c'est dangereux. C'est dangereux pour nous les frères. Oui, c'est ça, frère. C'est, c'est ça. Dangereux pour nous, les frères. C'est frère. Dans la mesure où le Seigneur dit, celui qui regarde une femme et la convoit dans son cœur a déjà commis adultère avec elle. Oui. Mais déjà, la manière de s'habiller des femmes, alors déjà, c'est un danger. C'est un danger. Nous sommes en danger, frère. En danger. Ça veut dire qu'on est obligé de voir, on ne peut pas les frapper. Oui. Mais le Seigneur dit, ne convoite pas dans ton cœur. C'est vrai. La bataille est dans ton cœur. C'est dangereux. Oui. Donc, si les sœurs, vous acceptez ça, vous acceptez de vous habiller. Parce que, au fait, qu'est-ce qui se trouve derrière ça? C'est la séduction. Bon. Et alors, le Seigneur dit, tu regardes une femme, tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis adultère. Mais Satan dit aux femmes du monde, habillez-vous comme ça pour que vous puissiez renverser les enfants de Dieu. Absolument. Ça, c'est clair. Mais là, en faisant ça, alors donc, ça veut dire que la promotion de l'amour, elles ne font que faire la promotion de l'impudicité et de l'adultère. Absolument. Parce que en faisant ça, on dit, si elle n'est pas mariée et que tu l'as séduit dans ton cœur, ça veut dire que alors c'est impudicité. Si elle est mariée, c'est adultère. Donc, vous les sœurs, acceptez que, voilà, vous soyez le modèle de ces femmes-là. En tout cas, elles ont déjà dit ici, enlever la main, voilà. Elles vont suivre ce que Dieu a parole dit. C'est pas ça, les sœurs. Voilà. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Non, il faut que vraiment le défi soit relevé. Non, ne t'inquiète pas, elles vont vous créer des problèmes. Mais dehors maintenant, les filles de Satan, là, quand tu vas les voir, tu vas faire comment alors? Hein? Dehors, quand tu vas les voir dehors, les filles de Satan, là, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que c'est d'utiliser les... Non, la Bible déclare que garde ton cœur plus que tout, d'accord? Allons-y, frère, mon frère. Bon, c'est pour avoir plus de compréhension sur le verset de 1 Pierre au chapitre 1, le verset 11. Oui, 1 Pierre chapitre 1, verset 11. Lis-nous ça, frère. On merci. Dit, voulant sonder l'époque marquée par l'Esprit de Christ qui était en eux. Oui. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ oui. Et la gloire. La gloire qui devait en eux. Voilà. Oui. Bon, ici on dit les prophètes de l'Ancien Testament. Oui. Or, on sait que le Christ est venu avec la nouvelle naissance. Absolument. C'est-à-dire qu'avant le Christ, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Oui. Et avant le Christ, l'Esprit de Dieu n'était pas dans une personne. Oui. Mais comment se fait-il que dans ce verset, on dit ces prophètes-là avaient l'Esprit de Dieu? Non, non, c'est une bonne question. Non, attention, attention. On n'a pas dit l'Esprit de Christ qui habitait en eux. Il faut bien lire le verset. Qui était en eux. On n'a pas dit habiter en eux, c'est deux choses différentes. Maintenant, il faut expliquer. D'accord? On n'a pas dit qu'il habitait en eux parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. D'accord, mon cher? Ouais. Voilà. Parce que, regardez très attentivement maintenant. Non, c'est différent. C'est différent. Suis attente. Vous avez moi maintenant, je vais parler. Oui. Remarquez très attentivement qu'on parle des prophètes ici. Et les prophètes ont un esprit et leur constitution de leur esprit différent de tous les autres êtres humains. C'est la première des choses là-bas. Le prophète, lui, il naît comme ça. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est le Dieu des esprits des prophètes. D'accord? C'est lui qui envoie. Voici, j'envoie des prophètes au devant de toi. Celui qui envoie les prophètes. C'est lui qui envoie les prophètes. Donc, il envoie les prophètes. Chaque fois, les prophètes se questionnaient par rapport à sa venue. Alors maintenant, les prophètes vont prophétiser. Chaque fois, Christ va entrer. Écoutez maintenant très attentivement. Chaque fois, Christ va entrer. Savez-vous, il ne parle pas de Jésus, il parle de Christ. Vous voyez la différence? Il dit bien, chaque fois dans l'Ancien Testament, Christ va entrer dans les prophètes pour prophétiser sa venue. Ça, c'est... Ok, maintenant, regardez David. Est-ce que David a été crucifié? Non. Maintenant, si vous lisez le psaume 16, il dit que tu ne permettais pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il dit ça, non? Oui. Alors maintenant, qui parlait? C'est David. C'est David, hein? Non, c'est l'esprit. Bon, l'esprit. Dans Matthieu 22, les pharisiens et les sadducéens vont se regrouper groupe à groupe pour demander des questions à Jésus. Puis, Jésus va leur poser la question, de qui le Messie est-il fils? Ils ont dit... De David. Ils ont répondu, c'était bien, non? Et puis il dit, citant le psaume 110, il dit donc, si donc le Messie est le fils de David, comment David, puis il dit, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? S'il est dans ce cas, comment David a animé de l'Esprit? Comment David peut ressentir la douleur des clous jusqu'à ce qu'il dit, les bandes de cérélas me percent la main. David a ressenti les douleurs. Au point où il prophétisait. Donc, Christ est entré en lui. Il a senti les douleurs de la croix. Vous voyez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? L'Esprit de Christ, il passe là-bas, il prophétise. Les prophètes ne restent pas comme ça. Ce n'est pas qu'ils voyaient les visions et autres. Certains voyaient les visions. D'autres passaient par leur vie. Jonas est passé dans la mort jusqu'à se réveiller. Pas vrai? Mais il est effectivement mort. Mais il était avec le Christ. Il est descendu avec le Christ. Il est ressorti avec le Christ. Pas vrai, frère? Joseph a été vendu avec le Christ jusqu'à ce qu'il allait en Égypte pour prendre une femme. Pas vrai? Alors, les prophètes sont différents des êtres humains. Donc, le prophète, le 1 Pierre chapitre 1, verset 11, ne dit pas que le Saint-Esprit habite là. On parle de l'Esprit de Christ parce que l'Esprit de Christ, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. On dit l'Esprit de Dieu. Si vous dites l'Esprit de Dieu, ou bien vous dites que le Saint-Esprit, c'est le même Esprit. Si vous dites Christ, c'est le Saint-Esprit dont vous en avez parlé. Vous entendez cela? Parce que Dieu n'a pas deux esprits. Et c'est l'Esprit de Jésus dont on parle là. Alors, tous ceux-là, dans l'ancien, alors on appelle ça l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Maintenant, regarde la différence. Vous dites, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la longanimité, la paix, la tempérance, n'est-ce pas? Ça, c'est la nouvelle alliance. Cet esprit-là, c'est ça qui montait sur Salomon. C'est ça qui venait sur Gédéon. C'est ça qui venait sur David. C'est ça qui venait sur Gédéon, sur Samson, pour qu'il prenne le truc sur 300 personnes, 3000 personnes. Si ça vient sur toi, c'est quelqu'un qui sort, tu dis c'est quoi, c'est le Saint-Esprit. Tu vas accepter ça? Non. Mais dans l'ancienne alliance, il n'y a pas la tolérance. Quand ça vient pour quelqu'un, il peut faire la guerre. Parce que c'était revêtu, c'est même Dieu n'a pas deux esprits. Le Saint-Esprit avait le caractère de vengeance à ce moment-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, ça a le caractère du colon. Vous voyez cela, n'est-ce pas? L'amour, la douceur. Pourtant, c'est le même esprit. L'esprit, quand tu descends sur toi pour prêcher avec amour devant les gens, c'est ça qui venait sur Élie, qu'Élie disait que si je suis le serviteur de Dieu, que le feu sort du ciel. Tu vois cela? Donc, Christ a toujours été là. Et il passait au travers des gens pour prophétiser. Lorsqu'il était dans la vie de Samuel, il a parlé à Samuel, il a dit que je susciterai David, je lui ai donné une postérité. Il serait son père, il sera mon fils. Il parlait de Jésus, n'est-ce pas? Celui qui me bâtira une maison stable. N'est-ce pas lui qui parlait comme ça? Donc, le Saint-Esprit parlait depuis. Mais tabernacle, c'est une chose. Là, c'est différent de l'esprit des prophètes. Parce que l'esprit des prophètes, le prophète est prophète. Il peut voir des visions, avoir des manifestations, même sans être baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Alliance, le baptême du Saint-Esprit, c'est a pour but d'incorporation. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour ça que même dans la Nouvelle Alliance, quelqu'un n'est prophète, il peut être chez le païen. C'est-à-dire que sans connaître des choses des chrétiens, il a des visions des choses, mais il va falloir qu'il passe par l'expérience de la nouvelle naissance. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors maintenant, le prophète est autre. C'est pour ça que le prophète, lui, il est différent. Quand le prophète, même s'il est hors du corps de Christ, il est prophète, son esprit est constitué comme ça. Ce sont les aigles. Il peut avoir des songes même avant, faire des choses. Mais quand il vient en Christ, maintenant, en Christ, il est à la nouvelle naissance, il comprend maintenant ce qui lui arrive. Donc les prophètes, là, il faut les faire attention. Là. Mais quoi que. Avant son salut, oui. Il peut avoir des visions. Il a les visions parce que Dieu l'utilise, il est prophète. Il ne vient pas comme ça là, pour avoir les visions plus tard, non. Il vient pour être incorporé dans le corps. C'est-à-dire que nous avons été baptisés dans deux esprits pour former un seul corps. C'est maintenant dans le corps qu'il va trouver sa place, comme la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, là, verset 11. Oui, mon frère. Tout le monde en avait ses visions. Oui. Quand il était petit. Oui. Il avait des visions. Oui. Il avait des manifestations. Oui. Mais il n'était pas encore chrétien. C'est pour ça qu'il dit que les prophètes sont différents. Non, c'est ça. Les prophètes sont différents. C'est même pas de qui vous avez. Mais Joseph, quand il était petit, enfin, ça c'est l'Ancien Testament, bon, le Nouveau Testament, donc les prophètes sont nés comme ça. Tu as toujours la vision. Ça peut être incompréhensible. Il y a des choses qui t'arrivent. Je ne veux pas raconter moi les choses. Des questions? Bon, moi je voudrais poser une question. Oui, frère. C'est pas une question. Vous entendez là-bas? Hein? Je voudrais poser une question. Oui. Moi, excusez-moi. C'est pas parce que j'aime la polygamie. Oui. Voilà, je ne suis pas polygame, je ne souhaite même pas l'être. Je veux oui. Femme. Oui. Peut-être que voilà. Donc. Je ne connais pas le passage. Oui. Mais je sais que dans la Bible, comme tu connais vraiment. Non, ne t'inquiète pas, si, je vais te balancer. Une fois ils sont allés en guerre. Oui. Le peuple d'Israël est allé en guerre. Oui. C'est dans Nombre chapitre 30. Des vierges. Oui, des vierges. Il a dit que s'il n'en veut pas, on a chacun choisi pour ça. Voilà. Pour soi. Et il a donné, je crois, un nombre 32. Oui, oui, oui. À son... Oui. Il a donné maintenant pour le sacrificateur. Voilà, pour le sacrificateur. Dieu oui. Lui-même lui a donné plusieurs. Oui. Quel est le problème? Est-ce que c'est pas une forme de polygamie? Non, non, suis attentivement. Voilà. Voici David qui a couché avec Bathsheba. En faisant Uri. Remarque très bien ce qu'ils ont fait. C'est par cette femme-là que le successeur de Jésus va venir. N'est-ce pas? Oui. Alors, fais attention. Lorsque Dieu a fait ça dans l'ancienne alliance, pourquoi tu passes seulement dans cette alliance-là pour voir comment il a fait comme sacrificateur de le souverain sacrificateur? Parce que ce sont les butins. C'est le partage des butins. Ça, c'était la répartition par rapport à ce qu'ils, comme ils sont allés en guerre. Et là, et Dieu me l'avait donné. Il y a même une loi même pour les femmes dans ce qu'on parle pour faire le butin. On dit que parmi eux, quand Moïse va faire pour tuer Balaam, par exemple, il va dire qu'on va tuer les femmes qui n'ont point connu, qui ont connu les couches d'un homme. Mais pour les vierges, c'est là où cette histoire est. Celui à partir du nom chapitre 30, verset 16 suivant. Il dit, as-tu choisi parmi vous les vierges qui sont là-bas, retenez-les pour vous comme butin de guerre. N'est-ce pas, frère? Ok, maintenant, suite attentivement. Il ne s'agit pas de la polygamie, il s'agit du butin de guerre. Donc, si tu veux faire ça, va dans le village, tue les gens, tu prends les filles. pour être en règle. Parce que c'est d'après ce qu'il en est. Oui. Et là, maintenant, c'est dans le peuple païen. Et au milieu chrétien, il n'y a pas de païen pour qu'on puisse pas tuer. On ne combat pas là-bas. D'accord? Ici, c'est la révélation de l'amour parfait. C'est-à-dire que j'aime l'autre parce qu'il y a quelque chose en lui de Christ qui est en moi. Et nous voulons fonder une famille pour prophétiser le vrai mariage qu'est Christ et l'Église. Le Nouveau Testament devait être là. Donc chaque fois, nous ne pourrons pas jouer le ping-pong en disant que je vais dans l'Ancien Testament pour voir comment on a fait le truc. Vous dites chaque fois que l'Ancien Testament c'est l'ombre. Nous sommes dans la lumière et la réalité. Pourquoi rentrer toujours chaque fois dans l'ombre pour chercher ces choses-là? Non, je comprends. Il dit, restons dans la réalité maintenant. Ils ont fait ces choses-là pour annoncer. Pour annoncer. David avait 500 pour annoncer justement qu'il y aurait une église d'une époque qui va tomber, une autre église. Mais tout ça, la forme va former l'église de Christ. Maintenant, le parfait est venu, c'est un homme, une femme. D'accord? Maintenant, tu peux dire qu'il m'avait prendre 1000 femmes, comme Salomon. Parce que Salomon, lui, il a dit qu'il a fait ça pour faire la recherche scientifique, pour sonder les choses une à une. Il voulait tester, il dit que les femmes brunes, c'est comment? Il dit, ah, c'est sucré. Les femmes grosses, ah, mais ça a du goût. Après, il va dire que non. Il a dit, celui qui trouve une femme, il n'a pas dit des femmes, a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit celui qui trouve des femmes. Donc, malgré les 1000 femmes, il n'avait pas de bonheur. La preuve, ça a détourné son cœur. Pas vrai? Il dit qu'il a examiné les choses une à une. Pour voir, pour comprendre ces choses-là, il a vu plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. Donc, il veut dire par là que la recherche scientifique qu'il faisait avec les 1000 femmes, c'est pour tester comment les femmes sont méchantes sur la terre. Il dit, laisse le testament maintenant en disant que vous qui êtes sur la terre là, si parmi vous trouvez une bonne femme là, c'est une grâce de Dieu. Alors, si la loi de Dieu veut que pour trouver une bonne femme, il faut la grâce, toi tu vas chercher combien hein? Il dit même pour trouver une bonne femme, on dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est un don qu'il obtient de la femme du bonheur. Donc, avoir la femme, c'est le don. Et tu vas chercher toi, tu dis que je vais mettre l'autre là-bas à la plantation. L'autre là-bas au jardin, l'autre là-bas. Tu es devenu nickel à son nom. Donc en fait, il faut chercher la personne qui est censée être ton aide. Dieu n'a pas fait des aides semblables, il a fait l'aide semblable à chacun de nous. Amen. Bon, la dernière fois, il a posé une question sur l'alcool. Sur l'alcool, non, laissons l'alcool pour le moment, on ne voit pas. Le fait que Dieu lui-même, sachant que l'homme doit être rattaché, il fait, puis lui-même il donne. Lui-même, alors que. Non, mais c'est vrai. Il ne devait même pas être obligé de donner. Attends, lui-même. Absolument. Ah, non, la question est légitime. Oui, ça vient de lui justement. Exactement comme par exemple la manzanite. Si vous voulez. Non, ce n'est pas la fornication. Si vous prenez le livre des Nombres toujours, lorsque le peuple va, à partir du chapitre 22, verset 25 et suivant, lorsque le peuple va commencer à se les manger et se les vêtir, il y avait un monsieur là qui est sorti avec les manzanites, venu dans le camp. Quelle était la réaction de Phiné? Il a tué le monsieur. Il a pris la flèche. Il a passé, ses entrailles sont sorties. C'est pas ça hein? Quand il a fait ça, Dieu a fait quoi? Il a signé l'alliance avec lui. Pour dire que c'est une très bonne chose, pas vrai? Hein, mon frère? Maintenant, vous voyez les pasteurs coucher avec les filles aujourd'hui. Les pasteurs qu'on dit qu'il a tué un enfant pour enterrer. Vous êtes à côté du pasteur là. Quelle est votre réaction? Cherchez l'alliance avec Dieu. Tuez-le! Prenez le couteau, vous mettez dans le ventre. Pourquoi tu fais ça au nom de Dieu, n'est-ce pas, frère? Si on fait ça, on a l'esprit de finir sur nous. Donc, vous voyez que les alliances sont totalement différentes du fonctionnement de Dieu. Si vous faites ça aujourd'hui, la Bible va te dire que qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Laisse-le, si tombe, Dieu est capable de le relever. Pourtant, là-bas, quand il finit à faire ça, poum, dans le ventre de cet hébreu, poum, dans le ventre de cette manzanite, la Bible déclare que la plaie s'est arrêtée. Donc, c'est là, par révélation qu'il a tué. Le Saint-Esprit lui a demandé d'aller tuer. C'est pour ça que Dieu pouvait ériger maintenant son alliance. Donc, ça veut dire, il faut faire attention avec le fonctionnement de Dieu dans l'ancienne alliance et dans le nouveau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne verrez pas un prophète dans le nouvel alliance commencer à prophétiser les malédictions sur quelqu'un. Pourtant, dans l'ancien alliance, il était les prophètes juges. Quand on n'allait pas venir donner le décret du Très-Haut, alors que les prophètes ici aujourd'hui sont là pour conduire, pour édifier, pour que le corps soit grandisse. Vous voyez là, n'est-ce pas, frère? Donc faisons attention. Dieu l'a fait. Comme par exemple, il a dit à Osée d'aller prendre une femme prostituée. Vous voyez? Pourtant, sa loi interdit la prostitution. Il le fait pour dire, prends. Aime une femme prostituée, donne-lui un enfant. Quand elle accouche, il donne un enfant, le nom à un enfant, il donne l'autre enfant. Parce que, pour montrer que Samarie et Jérusalem sont allés à la prostitution, il prend un être humain pour qu'il ne accouche à une prostituée. Maintenant, toi aussi, aujourd'hui, tu peux faire que, ah, il peut aussi épouser une prostituée. Tu vas t'en sortir devant Dieu. Donc, cherchez plutôt, au lieu chercher les femmes, cherchez la femme qui est le don. Amen. D'accord? Cherchez la femme qui est le don. Il dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que si vous avez une femme, que c'est même pas d'abord la femme, le don. Vous avez quoi à la maison? Attends, si vous avez une femme et que c'est même pas le don, c'est que vous avez quoi à la maison? Vous avez comme ça quatre, vous avez quoi? Ok. En tout cas, Salomon a laissé le testament. Il a dit, n'imitez pas ce qu'il veut dire. Il dit qu'il a fait la revue des troupes de toutes les femmes. C'est dans Ecclésiaste chapitre 17, verset 26. Il a vu plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Donc quand tu vois une femme de regard comme ça, là, elle a enlevé le noir, là, elle a mis le vert, elle dit comme ça, là, sache qu'elle est plus dangereuse que la mort. Vous comprenez? Salomon dit que si on mettait la mort et la femme là, il devait fuir. C'est la sagesse en Salomon qui nous donne ces renseignements. Pour dire quoi? Pour dire que les femmes sont plus dangereuses que la mort lorsqu'elles sont perverties à l'intérieur. Plusieurs fois dans le Proverbe, on parlait de l'étranger. L'étranger est la force, est une force profonde. Que ton cœur ne se plie pas. Il dit, j'étais au trait de ma fenêtre, j'ai vu un jeune homme. J'ai vu parmi les insensés un stupide. Il a regardé là-bas, il y a une femme qui marchait là-bas, il a vu que la femme marchait là, tantôt dans les rues, tantôt les places. Elle tournait comme ça avec les sabots. Elle fait Salomon observait. Il dit qu'elle a vu ces garçons-là. Je suis dans le Proverbe chapitre 6, chapitre 7. Il a saisi comme ça, il dit j'avais fait un vœu à l'Éternel. Il a fait bisou. Il dit que la Bible déclare qu'il entraînait comme ça. Il s'est mis tout au coup à le suivre comme un bœuf qu'on l'amène à la haute ville. Il ne connaît pas que le chez-elle, c'est le séjour des morts. Aujourd'hui, c'est nous, on dit quoi? On dit que si je donne, est-ce que je prends, est-ce que je fabrique? Ne fabrique pas, tu vas aller à la mort. Parce que ce sont les dangers, ce sont les bombes à défragmentation, les femmes. Les tueuses d'hommes. On dit que c'est chez eux. Il dit qu'il a suivi comme ça jusqu'à ce qu'une flèche l'a percé l'âme. On n'a pas dit percer le corps, l'âme. Donc, quand il sort là-bas, il dit comme ça. Après, il va aller commander à son ami qui vient toucher la femme là. Il ne sait pas que son âme a été livrée. Vous voyez? Donc, les femmes sont des dangers. Cherchez le don, la femme don. Ne cherchez pas les femmes pour vous satisfaire. Si vous avez des problèmes de satisfaction là-bas, il faut vous délivrer. Demandez que le Seigneur délivre-moi de ceci. Voilà. Amen. Amen. Ne criez pas. Non, non, l'autre ne crie pas. Gardez bien cette verset dans la Bible. Gardez ceci dans votre tête, vous les polygames et les aspirants polygames. Gardez ceci. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Parce qu'il obtient quoi? Comment? C'est moi pas qui dit qu'on ne peut pas les doter. On te dote comment? Ça, c'est notre long enseignement, d'accord? Il y a des enseignements concernant cela sur le mariage. J'arrive avec le divorce. Donc, vous voyez une femme même qui est mariée depuis, elle a eu trois maris, on va lui dire, viens me doter. D'autres qui sont en mariage depuis 25 ans, ils disent que quand le mari dit que ah, prépare la main de route, il dit tu m'as doté. Donc depuis elle est à la maison, elle ne s'est pas encore mariée. Oh, les problèmes sur la tête, c'est là. On continue. Oui. Ma question, c'est sur parmi les dîmes là, il y avait une dîme que. Où les personnes devaient se déplacer pour aller à Jérusalem et arriver dans le temple, ils devaient payer. Oui, il y a parmi ça l'alcool. Oui. Ah, je te vois venir. Le Seigneur, quand il vient, il rentre dans le temple, il traite ces personnes-là de voleurs. Oui. Pourquoi? Non, ce n'est pas là-bas qu'il a traité de voleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont passées au courant des siècles. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, Malachie, c'est le dernier prophète avant que l'introduction de Jean-Baptiste. Il y a 400 ans qui le sépare avec la naissance de Jean-Baptiste. 400 ans. Et là-bas, il en a de faire les reproches à Israël et à tout Israël parce que les gens avaient abandonné la loi. Israël est divisé en trois grandes parties. Il y a le roi, il y a le sacrificateur, il y a le peuple. Dans la sacrificature, c'est divisé en deux classes. Il y a les sacrificateurs et puis les lévites. Donc en clair, il y a le roi, il y a les sacrificateurs, donc le sacerdoce, et il y a le peuple. Donc voilà les trois qui sont divisés là-bas. C'est hiérarchisé comme ça. Et tout cela ont pour tête la constitution du pays, c'est la loi. Dans Deutéronome chapitre 17, Dieu avait dit que lorsque vous serez dans le pays, il faut que le roi que vous allez mettre sur vous ait une copie de cette loi-là. Pour qu'il s'attelle à marcher d'après ce que Dieu a dit. D'accord? Donc le roi avait. Ça va voir d'ici. Donc le roi avait dit que la constitution du pays, c'est la Bible, c'est la Torah. Et par conséquent, le roi devait se soumettre là-bas, comme Asa l'a fait, Josaphat, ainsi tout le monde l'a fait. Maintenant, quand ils entrent dans le pays, pendant que le temps passe, le mélange avec le culte, avec les dieux étrangers. Les va-et-vient qui vont aller dans les nations et autres là-bas, ça va faire en sorte que la crainte de Dieu va disparaître au milieu d'Israël. Au point on va négliger. Plusieurs fois, vous allez lire dans le livre de Chroniques, comment on se rend et réparer le temple un jour, avant de se rendre compte qu'il y avait un livre de la loi. On va prendre et lire, on va voir que toutes les malédictions qui étaient écrites là-bas et là-bas, ça va déchirer ce vêtement, Josias va déchirer ce vêtement, puis dire, mince, c'est à cause de ces malédictions que c'est venu, et là, la purification du temple va venir. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la constitution des Juifs était la Torah. Maintenant, la fuite, chaque fois qu'il quitte devant le Seigneur, il tombe dans le péché, va faire en sorte que les cultes idolâtriques vont se développer à Jérusalem. Dieu avait donné plus de la tribu de Lévite comme son héritage personnel. Il ne devait pas travailler. Par conséquent, il devait s'occuper des affaires du péché, du peuple, de l'intercession entre le peuple et Dieu. En contrepartie, le peuple qui n'a pas travaillé devait donner un dixième par rapport à leurs revenus, parce qu'ils n'avaient pas le temps pour aller travailler pour eux. Quand ils percevaient ce dixième-là des revenus, ils avaient pour rôle aussi de donner aussi le dixième aux sacrificateurs. Parce que les Lévites sont les aides des sacrificateurs. Les sacrificateurs prennent cette dîme-là maintenant, ils mangent. Donc il y a le peuple qui donne une dîme aux Lévites, le Lévite qui donne une dîme aux sacrificateurs. Maintenant, quand le peuple ne comprenait plus l'importance d'aller donner leurs choses à Dieu dans le temple, Ce qui fait que les Lévites qui sont là, qui ne travaillent pas, les Lévites qui sont là, qui ne travaillent pas, ont fui le temple parce que personne ne venait donner quelque chose à manger, parler, aller chercher quelque chose à manger. Comme les Lévites ne sont pas là parce que les Lévites devaient prendre pour donner aux sacrificateurs, les sacrificateurs aussi ont aussi les gens du temple de Dieu. Maintenant, prenez le temps maintenant de regarder depuis le chapitre 1 de Malachie. Vous allez voir que c'est de ça dont on parle. On dit que vous dites que la table de Dieu est méprisable parce qu'on amène des choses chétives d'hier là-bas. On commence à amener les choses. Pourtant, Dieu avait donné l'ordre que si on veut offrir quelque chose, il faut que ça soit quelque chose d'un homme, bien de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? On a commencé à amener n'importe quoi, le salaire des sacrificateurs, des prostituées là-bas. Dieu a dit que je suis un grand Dieu. Vous dites que vous me craignez. Où est donc la crainte que vous avez de mon nom? Et vous méprisez Dieu. Vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Il dit un homme trompe-t-il Dieu? C'est là où il a dit cela. Donc le pasteur vient prendre ça chaque fois pour parler que vous trompez, c'est pas ça. C'est qu'en Israël, quelque chose s'est passé. Et donc, le peuple a quitté, ne donnait plus le dîme, les Lévites ont quitté, les Africains ont quitté, donc le temple était abandonné. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Dieu frappe les champs où il devait avoir les choses. Il envoie les Hazim, les Gazim, les Guep, toutes les choses là. Il bouffe les sauterelles. Les gens maintenant se tournent, il n'y a pas la nourriture dans le champ. Ils se posent la question, qu'est-ce qu'il y a? Dieu envoie le prophète pour dire que c'est parce que vous avez abandonné ma maison. Apportez donc la nourriture à la maison de l'Éternel, à vos maisons de trésor, et vous verrez comment pour vous, je vais bénir votre champ. C'est ce qui s'est passé là-bas. Vous voyez? Donc c'est toute la nation. Vous êtes frappé la nation toute entière parce que vos champs sont maudits. Parce que quand ils avaient la nourriture, ils croyaient que c'est parce que même s'ils ne peuvent pas donner les dîmes là-bas, alors ma chambre va être bénie. Dieu a fermé le champ pour montrer qu'il est le Seigneur, c'est lui qui les donne là-bas. Par conséquent, vous devez obéir. Et puis ça a ramené le culte, la restauration. Au chapitre 2, il dit que mon alliance avec Lévi était une alliance de paix. Il conduisait beaucoup des hommes. Vous voyez là, n'est-ce pas? Lisez Malachie chapitre 2, on parle là. Il dit, vous êtes frappé la nation toute entière. Oh, et si vous êtes en Côte d'Ivoire, les musulmans ne sont pas tenus de respecter votre loi. Oh, ça veut dire qu'ils vont frapper toute la nation, de la Côte d'Ivoire. L'église n'est pas une nation, c'est un peuple. Vous voyez là, n'est-ce pas? Et dans l'église, il n'y a pas une division. C'est ce qui est la tête et tout le reste, c'est le corps. Différent d'Israël qui a le roi, les sacrificateurs, le peuple. Le peuple ne doit pas s'approcher de la sacrifice. Oh, ici, nous tous, nous sommes les sacrificateurs. Donc, les dîmes, en aucun cas, ne peuvent s'occuper, s'agir des chrétiens. Oui. Je voulais savoir, est-ce que le chrétien, un chrétien qui a le Saint-Esprit peut lutter avec un quelconque péché? Non. Le Saint-Esprit vient, la première chose, il te libère de ce péché-là. Il te libère de tout péché. Il te libère du péché. Attends, le péché n'est pas beaucoup. Le péché, c'est un esprit. Oui. Et il y a des ramifications. Voilà. Il y a des personnes que même si tu fais un peu comment, il ne fumera pas. L'autre que ça part, c'est la cigarette. Il fait un peu comment, il ne peut même pas arrêter. D'autres, c'est l'alcool. Il boit comme ça là. Même si, quand il voit l'alcool, n'importe où, tu parles n'importe quel verset, lui, il ne comprend plus. Parce que là, c'est parce que le péché, c'est un esprit. Et le péché doit habiter quelque part. Et c'est pour ça que l'œuvre de sanctification intérieure, le nettoyage intérieur, fait que le Saint-Esprit fait avant d'exprimer le tabernacle pour le chasser de là. Souvenez-vous, le péché, c'est un esprit. Ce que vous appelez péché, les manifestations, ce sont ces manifestations pour que tu puisses savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. D'accord? Et donc, les attributs de ces péchés, c'est que l'un peut être homosexuel, l'autre est menteur, l'autre est ceci et tous. Vous avez le péché. Parce qu'en réalité, c'est parce que justement, parce qu'on ne croit pas venir à la bonne façon. Si vous croyez la bonne façon, le Saint-Esprit le dégage. Dans ce cas, est-ce qu'on peut remplir le Saint-Esprit et puis péché? La preuve en est que tu as vu Salomon, tu as vu Samson. N'est-ce pas la première personne qui allait draguer une fille du monde, c'était elle. Oui, aussi, tu as le Saint-Esprit en toi. Non, ça, ce n'est pas en toi. Parce que tu as parlé de remplir le Saint-Esprit. Parce que remplir le Saint-Esprit est différent du baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes scellé. Vous êtes encerclé. La Bible déclare, vous ne faites plus quelque chose par vous-même. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Frère, je veux comprendre en même temps 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Oui. Oui, oui. N'est-ce pas pourquoi vous dites le temple qui dit oui? Oui. Je suis le Corinthiens déjà. Non, j'arrive là, oui. J'ai l'impression que les gens pensent que quand on est rempli du Saint-Esprit, oui. C'est le bien seulement qu'on fait. Oui. Alors pourquoi j'ai bien fait la différence ici entre le rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et le rempli du Saint-Esprit. Mm-hmm. Quand on a le baptême du Saint-Esprit, voilà. Mm-hmm. Quand on a le baptême du Saint-Esprit, les gens pensent que oui. C'est le bien qu'on fait. Oui. Quand on a le baptême du Saint-Esprit, on est dirigé par Dieu. Oui. Bon, ceci, vous allez toucher ce qui va venir. Le demain, on va exposer tout ceci, d'accord? On va ouvrir les pistaches et on va voir ce qui est à l'intérieur. Ah, c'est samedi, hein? Mm-hmm. Non, ne vous inquiétez pas. Quand on va développer, on aura le temps de travailler. Donc, dans 1 Corinthiens, c'est même pas là-bas que tu devais faire. C'est au chapitre 5 où celui-là vit avec la femme de son père. Là, on dit clairement que le corps est le temple du Saint-Esprit qu'ils ont reçu de Dieu. Et au chapitre 5, il vit avec la femme de son père, n'est-ce pas? Et c'est ça où tu en viens. Ne t'inquiète pas, demain, Samuel va développer. Des questions? T'inquiète pas. Maintenant que vous ne payez pas les dîmes, que vous avez compris que vous ne payez pas les dîmes, comprenez que les orphelins, les veuves, les frères qui sont aux côtés de vous, qui sont dans le besoin, c'est de votre responsabilité. Et si vous ratez ceux-là, vous avez raté le Seigneur. Des questions? Oui. Dans la Genèse, oui. L'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la vie. Oui. Dans l'enseignement, on a dit que l'arbre de la vie, c'était le Seigneur. Oui. Parce que Dieu avait fait pousser les arbres. Mais oui. L'arbre de la vie. Les deux arbres n'ont pas poussé parce que ce n'était pas les arbres ordinaires. L'arbre de la vie n'a pas poussé parce que ça a toujours été là, c'est éternel. Mais est-ce à dire que c'est pareil pour l'arbre de la connaissance? Mais l'arbre de connaissance, j'ai aussi dit dans l'enseignement que l'arbre de connaissance, c'est quoi? C'est le diable. Mais comment tu veux qu'il soit poussé de la terre? Si c'est le diable, comment tu veux qu'il pousse de la terre? Non, non, c'est pas ça. Il a dit que l'arbre, Dieu, dans ses Genèse chapitre 2, verset 9, dit, il planta un jardin et puis il a mis une parabole au milieu des arbres. Il a mis quelque chose de physique, puis il y a quelque chose de spirituel. Il dit que et l'arbre, il n'a pas dit, on dit il fit pousser tous les arbres. Il a dit tous les arbres, puis il au milieu de l'arbre de connaissance du bon et l'arbre du mauvais. Tu vois, les deux arbres, on a dit, ils sont seulement là-bas. Donc, dans le jardin, se trouvaient ces deux êtres là-bas qui régnaient là-bas en maître. C'est ce qu'on a dit de Dieu. On n'a pas dit que c'est pas un arbre qu'on a fait comme ça. D'accord? Pas qu'il est éternel, c'est que ce sont des créatures. Michael, depuis la création, Michael est toujours là, non? Est-ce que ça veut dire qu'il est éternel? Ils sont seulement là parce que la vie de Dieu, la joie de Dieu les couvre. D'accord? Oui. Posez toutes vos questions. Parce que samedi, il veut donner des choses. Oui. Je veux savoir la différence entre une épreuve. Oui. Et puis une malédiction. Non, une épreuve, une tentation. C'est une malédiction, ça veut dire que tout ce qui est répétitif et qui n'a pas de solution. En fait, l'épreuve, c'est provisoire, c'est dans le momentané, oui. Mais la malédiction, du temps qu'elle n'a pas été abolie. Bon, maintenant, si on prend par exemple les juifs qui ont duré 400 ans, là, tu vas dire c'est une malédiction, mais c'est une épreuve. Vous voyez, il a fait son doigt comme ça que l'épreuve est dans le temps, c'est court. Parce que voilà, 400 ans, là, c'est court, non? Hein? Ouais, c'est long pour vous, mais pour Dieu, c'était comme 4 secondes. C'est pas vrai? Donc, la malédiction ou bien l'épreuve ne se définit pas à cause du temps. C'est l'esprit qui est derrière. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible déclare aucune tentation ne vous est survenue qu'il était humain. Mais avec la tentation, Dieu prépare aussi la solution avant que vous en sortiez. Voici ce. Non, vous savez, quand vous parlez, vous allez savoir. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Vous fréquentez, je vais prendre seulement de l'école. Vous fréquentez, vous faites 3 mois ou bien 3 semaines ou bien 1 mois. Après, on vous fait quoi? Un test. On appelle ça quoi? Les épreuves. On fait le test, les épreuves. On teste pour voir si vous avez bien assimilé ce que on vous a donné. D'accord? Ok, si on teste, quand tu as le composant, on dit tu composes l'épreuve par exemple des mathématiques. Cette épreuve-là est donnée en vertu pour savoir ce qu'il y a. Là, il n'y a pas de vie chrétienne sans preuve, sans épreuve. Tu dois être éprouvé. Même la foi est éprouvée. Même la parole de Dieu est éprouvée. Pour savoir si c'est vrai. Vous dites, par ces maîtrises, nous sommes guéris. S'il n'y a pas de problème de maladie, là, comment vous allez savoir que par ces maîtrises, nous sommes? Ok, maintenant. Tu dis, non, s'il y a la maladie, là, Dieu va guérir. N'attends pas que ça soit sur quelqu'un. Il faut que ça soit sur. Pour qu'on voit si tu as la foi que la parole là est vraie. Donc, tu dois être éprouvé. Une maladie va s'installer là-bas. Tu fermes les yeux, tu dis, pas la foi, tu es guéri, pas la foi, tu ouvres, c'est là. Tu ouvres le verset dit la même chose. Ça n'a pas changé. Tu es éprouvé. Maintenant, si dans cette maladie, c'est que tu as eu, parce que Dieu ne te dit pas que la maladie est là pour t'éprouver. Un exemple simple, ce sont les gens qui ont les blessures sur les pieds. Vous allez voir quelqu'un qui a une ouverture de blessures. C'est déjà les blessures, on essuie, ça ne finit pas. On fait n'importe quel médicament, ça ne finit pas. Généralement, il y a les esprits derrière. Quand ces esprits sont chassés, ça se sèche automatiquement. Il y a des gens qui ont ces malédictions-là sur le pied au point où ça ronge l'os. Les blessures sont toujours propres. On fait n'importe quoi là-bas. Les blancs ont trouvé le mot, faut vous dire, c'est un cancer ou un ulcère. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que c'est le mot qu'ils ont trouvé. Parce que ça dévore comme le cancer. Mais ce sont généralement, il dit, c'est déjà d'esprit. Voilà une malédiction, par exemple. Vous voyez quelqu'un qui a ses pieds comme ça là. C'est une malédiction. Il faut lui demander de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il le délivre là-bas. Si cet esprit-là est chassé de ses pieds, parce que c'est un esprit qui allait le maintenir ça ouvert. Si cet esprit est chassé de ses pieds, c'est terminé. Le lendemain, le pied va commencer à se sécher. Parce que celui qui maintenait a été chassé. Alors, quand quelque chose est répétitif dans votre vie, vous allez marquer dans les familles, vous allez voir les femmes qui ont des fausses couches. Et l'enfant sort. La petite, c'est la même chose. Il y a un esprit derrière qui contrôle cela. D'accord? Cet esprit est chassé, la personne écoute son premier enfant. Quand c'est une malédiction, seul Jésus peut enlever la malédiction. Seul, lui seul. Aucune malédiction ne peut pas être enlevée par la tradition. Vous avez une malédiction, vous allez faire la tradition, le rite traditionnel. Ça nous a encore noyé dans le ténèbre. C'est le Seigneur qui enlève la malédiction. C'est pour ça qu'il est devenu malédiction pour nous, pour ôter la malédiction que la loi nous tenait. Parce que personne ne pouvait obéir à la loi. D'accord, mon cher? La malédiction, donc, c'est ce qui nous tient captifs et dont on ne peut pas s'en débarrasser. Les preuves, ce sont des choses écrites de nous que nous avons traversées pour que notre foi grandisse. Des questions? Souvenez-vous de ce qu'il a dit là. Donc la malédiction, ce sont des choses répétitives de notre vie dont nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas nous défaire de cela. Il faut donc une aide extérieure. Les preuves, ce sont des passages obligatoires. Obligatoires qui sont écrits pour nous. Chacun pour sa part, par lesquels nous devons passer pour développer notre foi et notre relation avec lui, Seigneur. Oui. Vous avez parlé de la dot. Comment tu me dis vous à moi? Tu veux t'éloigner de moi, frère? Hein? Tu dis vous à nous tous ici ou bien à moi seul, frère? Pourquoi tu m'appelles vous alors? Je ne suis pas ton frère. Non, je rectifie ça. Ok, rectifie. Voilà, merci. Donc, tu avais parlé de la dot. Oui. Moi, je voulais savoir, en tant que chrétien, parce que tu as dit. Oui. Parce que tu as dit que quand on dote, c'est comme les parents sont en train de vendre. Oui. Vendre leur fille. Mm-hmm. Voilà. Donc, je voulais que vous apportiez des éclaircissements. Non, c'est pas, c'est ici que j'ai même dit cela pour les éclaircissements. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'enseignement. J'ai dit, si vous prenez la Bible, la première mention de la dot, c'est dans Genèse chapitre 34. D'accord? Maintenant, vous allez remarquer que dans le livre de Genèse, c'est un livre où tout l'évangile est contenu là-dedans. Et même le choses qui devait être érigé en loi. Vous allez remarquer que le principe des dîmes, Abraham va d'abord donner la dîme à Melchisedec. Sans que personne n'ait écrit, il n'y a nulle part, eux, ils n'ont pas de livre. Et puis, subitement, dans la loi, on vient ériger ça en loi. D'accord? Vous allez voir le système de façon de masser marier avec les proches parents. Après, on va ériger ça en loi. Alors qu'eux, ils vivaient ça tout simplement, tout naturellement. Voilà. Maintenant, concernant le mariage, vous allez voir au chapitre 34, il y a Jacob marchait de lieu en lieu avec ses enfants. Arrivé à un endroit, Dinah va sortir pour aller parcourir le pays. Elle a fait hi, le roi de ce pays-là, son fils, a dit que mère, quelle démarche démarchique. La Bible déclare, il l'a enlevé, il l'a violé. Quand il a violé, Simon et son frère Lévi étaient allés au champ. Ils sont rentrés et ont dit qu'on a dit qu'on a violé, c'est parce que c'était les mêmes mains, même père et même mère. Ils ont dit qu'ils ont fait cela, oui. Ils ont passé au crible, ils ont dit que, ok, vous voulez qu'on vous la donne, que tout le mal se fasse circoncis, on se circoncis. Quand les gars, ils sont passés là-bas. Je dis ça comme ça parce qu'il y a les enfants ici. Mais ouais, ils ont tué tout le mal là-bas. Mais maintenant, ce garçon-là a dit, exigez de nous une forte dot. Afin que vous le donniez pour femme. Vous voyez effectivement qu'il n'est pas venu quand la fille n'a pas été violée. Il savait qu'il y avait une réparation à faire. Et c'est ce qui va être érigé en loi dans Exode chapitre 22, que je vais donner aussi au verset 16 et suivant. Et vous lisez Deutéronome chapitre 22, verset 13 jusqu'au verset 22, c'est la même chose qui est écrit. Donc il n'y a pas de dot dans la Bible où on dit que quand tu vas épouser une femme, tu fais. La seule et les seuls versets qui parlent de dot dans la Bible, c'est pour les vierges qui ont été déshonorées. On ne peut pas faire autrement. C'est ce que la Bible révèle. Donc, lorsqu'on prend une femme, on ne la dote pas. La dot, c'est la réparation de la virginité dont a été victime la jeune fille. C'est ce que la Bible enseigne. Alors, je ne peux pas dire autrement que la dot, on peut faire la dot comme ça. Parce que la dot là-bas, c'est qu'elle soit dévoilée. Donc, pour qu'une fille soit dotée, il faut qu'elle soit vierge et que le garçon qui vient la voir l'a d'abord violée. Il vient dominer et vos dot. Maintenant, la dot a ses principes. Il y a le prix de la dot. 50 cycles d'argent. Donc tu ne dois pas payer qu'en disant que c'est mon père qui fixe. Parce que s'il faut payer, il faut payer d'après la loi. D'accord? Personne ne fixe sa loi. Si c'est la loi de Dieu, personne ne fait sa loi à lui. Dieu donne la loi, on obéit comme il se doit. Quand Dieu avait dit que c'est un agneau d'un an, quelqu'un ne peut pas dire que non, j'ai seulement 6 mois. Si c'est un an qu'il a dit, ça va être un mois. C'est à nous de nous conformer. Alors il a dit, cette fille, cet argent pour la réparation, ce sera 50 cycles d'argent. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous convertissez maintenant. Si vous faites ça aujourd'hui, vous convertissez ça à 50 cycles d'argent, l'équivalent en France CFA ou bien en euros, en n'importe quelle façon, vous donnez tel que c'est doit, comme la Bible le fait. Puis maintenant, si le père veut vous donner l'enfant, oui, vous donnez. S'il ne veut pas vous donner, vous quittez. D'accord? Et la Bible déclare donc maintenant que si tu as violé avant de faire comme ça, le parent accepte, tu la prends chez toi, tu ne pourras plus jamais la répudier. Ça va, mon cher? Oui, ça va. Voilà. Bon, parlons même de cette dot là maintenant. Vous avez parlé que Branham en a parlé des multiplicités de ces dots. Je ne sais pas comment vous parlez de polygamie là. Pourquoi c'est seulement en Afrique que vous courez derrière la polygamie? Pourquoi les Américains ne courent pas derrière eux qui ont reçu le message en premier? Le fils de Branham là, il a deux, combien de femmes? Une femme. Il veut que vous me répondiez, soyez sérieux maintenant. Les fils de Branham ont combien de femmes chacun? Une Ok. Donc, vous, eux qui ont vu le message là, ont écouté en live, écouté avec ses oreilles, vivre ça, ils ont accepté un homme et une femme. Vous, vous avez embrassé plus que eux. Oui. Particulièrement pour ce message. Oui. Dans mariage et divorce. Oui. Il y a deux messages que vraiment a reçu. Oui. Vous-même. Oui. Il y a oui. La sémence oui. du serpent. Et puis, il y a le comment on appelle la polygamie. La polygamie. Oui. Et quand il a prêché la polygamie, ça n'a pas duré depuis les morts. Non, il ne parle pas de lui, il parle de ses enfants. Ses enfants sont grands, n'est-ce pas, frère? Oui. Donc, ok, parmi tous ceux qui le suivent là-bas, chez les Blancs. Non, attends, il ne fait pas un discours. J'ai la brochure, oui. Même, je l'ai lu. Non, je suis en train de dire que les Américains, là, ceux qui ont vécu le message avant que vous n'ayez ici, combien de femmes ont-ils? Réfléchissez-y. Donc, autre question, réfléchissez-y. Son fils, ses fils, combien ont-ils? Allons-y, posez une question. Oui. Je voulais aussi poser une question, bon, oui. Même si ça ne capte pas trop avec vous, mais comme c'est une question-réponse. Oui. Dans le message sur. Si vous finissez de poser une question, moi, je vais vous poser une question quand le moment vous poser. Oui. Tu as dit en fait que. Tu as parlé des différentes dispensations. Oui. Et tu as dit que chaque dispensation est un messager prophète. Oui. Et que ce n'est pas un messager en termes de l'ange Michael, oui. Gabriel, tout ça. Oui. Voilà. Donc, je voulais avoir plus. C'est moi qui ai dit. C'est pas la Bible qui a enfermé mon frère. Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, le chapitre 3 le dit clairement. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Il dit que voici ce que j'ai contre toi. Les anges là sont les êtres spirituels. Ce sont les hommes, non frère. Donc c'est ce qu'il a dit là-bas. Les anges sont des esprits envoyés pour au service de ceux qui doivent hériter le salut. Donc en ce qui concerne l'église, ce sont les êtres humains. Donc ici ce sont les messagers. D'accord, les messagers hommes, pas les messagers angéliques. Il dit écrit à l'ange de l'église, parce que la Bible déclare que quand il avait vu sept étoiles entre ses mains. Il dit les sept étoiles sont les sept messagers de cela. Donc ça veut dire que ce sont les anges, il dit les anges de ces églises-là. Donc ce sont des prophètes. Les prophètes qui sont entre ses mains pour les diriger dans chaque dispensation de l'église. C'est ce qu'il a dit là-bas. La dernière finit par quoi? Ils sont sept, non? Ça veut dire que dans son plan à lui, il y a sept périodes avant l'enlèvement. Vous ne pouvez pas ajouter. Si Capo Philippe sort à la 8e, il sort d'où? C'est pas étonnant qu'il a sa part de Bible, donc c'est après l'Apocalypse. Et il dit clairement, lui, qu'il va envoyer il va préparer les saints dans le désert. C'est pas ça? Les saints vont dans le désert, faire quoi dans le désert? Donc ça dit que quand on sera enlevé, il va rester là-bas pour les envoyer là-bas. C'est leur problème. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le précis des messagers prophètes avec. Les sept, on parle des sept esprits de Dieu autour de toi. Non, les sept esprits de Dieu, c'est autre chose. Les sept esprits de Dieu, c'est autre chose. Parce que Dieu n'a pas sept esprits. Il a un seul esprit qui se manifeste en sept dispensations, en sept façons. D'accord? On peut voir les différentes façons là. Hein, frère? On voit ça dans la Bible. Ah. Dans les trucs. Il s'en est parlé. Tant qu'il est en train de réfléchir, il s'en est dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 5, dont tu as dû parler, au verset 6, il y a quatre êtres vivants là-bas avec les yeux tout. Et puis il y avait les sept esprits. Il y avait d'abord un agneau qui avait sept cornes. Bon, l'agneau c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a sept cornes, frère. Non, deux cornes. Comment? Donc tu dis Jésus a deux cornes? Non, l'agneau qui est là-bas, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On dit l'agneau, non? Oui. Il a combien de cornes? Sept. Donc Jésus a sept cornes. Oui. Il vient de dire oui, puis il dit bon. Il a les sept cornes ou il n'a pas sept cornes? Il a sept cornes. Ça veut dire quoi les sept cornes? Sept dispensations. Non, pas les dispensations, on finit au chapitre 2. Donc on a fini avec le diplôme de dispensation de messager là-bas. Les sept cornes, que porne l'agneau, c'est quoi? Sept puissances. Ok, ça veut dire que la plénitude de la puissance se trouve. Oh, mais c'est comment tu bégais parce qu'on a dit sept cornes? Tu sais, le problème c'est que quand on dit agneau, tu vois une chèvre. Puis tu vois cette corne, tu vois les cornes qui ne sonnent pas comme ça. Pas vrai? Ah, il faut faire attention, on a de parler en image. Maintenant, on dit que, et puis devant le trône, il y avait sept esprits de Dieu. Et on a dit sept lampes, sept esprits de Dieu. Les canaux juifs où il y avait la lampe qui sortait là-bas, c'était combien de sorties? Sept. Et puis, ce qui soutenait, c'était combien? L'huile était dans chaque chose différemment. Non. C'est la même huile qui allait dans chaque chose, n'est-ce pas? Donc, c'est le même esprit qui se manifeste à chaque dispensation. Autrement dit, les sept esprits de Dieu ne sont pas un esprit ici, un esprit, le même esprit qui a des différentes manifestations. Même esprit. Esaïe chapitre 11, prenons. Esaïe chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. Vous allez fâcher, donc quoi qu'après ça, il va arrêter, d'accord. On va rentrer. Il ne faut pas que vous mariez, vous tapez à la maison. Ésaïe chapitre 11. Vous y êtes. Ça a beaucoup, ma soeur. Tu as beaucoup, hein. On va passer aussi à Djamé. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Allons-y, écoutez très attentivement. Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. On parle de qui ici? Jésus. Le rameau, c'est qui? C'est Jésus. Le rejeton, c'est qui? Jésus. Donc Jésus en même temps rameau et rejeton. Ouais. Ça doit vous faire poser des questions. Continuons d'abord de toute façon. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. Hein, vous avez vu cela? Et Jean-Baptiste l'a vu exactement quand il a été baptisé, n'est-ce pas? Allons-y. L'esprit de sagesse et d'intelligence. 1 et 2. Vous avez vu cela? L'esprit de conseil et de force. 2 et 3 et 4. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'éternel. 6. Vous avez vu cela? Vous avez vu ça? Combien d'esprits? On a dit que l'esprit de l'éternel reposera sur lui. On définit cet esprit-là. On dit que l'esprit de l'éternel reposera sur lui. L'esprit de la crainte de l'éternel est ceci. L'esprit de force est de ceci. Cet esprit-là qu'on a défini comme étant ceci. Mais c'est combien ici? C'est plusieurs. C'est combien? On a quand même combien? Non, ça ne peut pas être sept. N'essaie pas d'arranger que la Bible donne bien. Si c'est insuffisant, c'est insuffisant. Ça fait combien? Ça fait 4. Vraiment, hein? Alors, réalisons encore. Ça fait 6. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. Oui. L'esprit de sagesse. Stop. Et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence. On dit l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence. Ça fait 2 là. L'esprit de conseil et de force. Ça fait combien? 4. Oui. L'esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Ça fait combien? L'esprit. Ça fait 6. Mais devant le trône, on a vu combien? 7. Donc, il faut que tu trouves un autre attribut de cet esprit là. Ça se trouve où, frère? Vous allez lire la Bible, je vous dis. Parce qu'on a dit clairement que c'était sept esprits. Ici, on lit, quand il est venu, le rameau là, qui est là-bas l'agneau, et qui avait sept esprits sur lui, on voit qu'il est six ici. Et il y a le pourquoi, c'est six ici. Deux Timothée, rapidement, deux Timothée, lisons ça, et puis on avance. Deux Timothée. Chapitre 1. Vous y êtes? Oui, merci. Disons verset 5 et en descendant. Verset 5, qui est écrit. À haute voix, frère. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton âme. Bon, pas à verset 3 pour qu'on lise. Il parle comme ça de Timothée. Allons-y. Écoutez très attentivement. 2 Timothée, chapitre 1, verset 3 et suivant. Allons-y. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. De ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Oui. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alors, mais... ouais, le problème, c'est que vous lisez ces passages. Vous lisez, mais quand vous ne méditez pas, vous ne vous arrêtez pas pour dire, on parle de quoi? Regardez comment l'apôtre Paul a voulu donner l'exhortation à Timothée et le Saint-Esprit lâche une des onctions qui était sur Jésus. Allons-y. Car ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force. C'est remarqué, dans Ésaïe, on avait trouvé déjà l'esprit de... des forces. On avait vu ça là-bas dans Ésaïe chapitre 11. Oui. D'amour. Stop. Tu as remarqué que là-bas il manquait l'esprit d'amour. Amour. Ouais. Donc c'est le septième là-bas. Amen. Donc c'est cet esprit-là qui vient. Et il dit que c'est cet esprit-là qui nous donne. Or, le vrai problème c'est que il ne peut pas mettre l'amour de l'autre côté là-bas. Ouais. Si, mesdames, parce que c'est après la restauration qu'on voit l'amour de Dieu. Parce que Christ lui-même est amour. C'était l'amour de Dieu manifesté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Amen. Amen. On peut prier. Vous ne répondez pas. Je sais comment on prie, d'accord. Je sais comment on prie. Mais avant, je vous dis des choses. Les jeunes commencent jeudi. Vous voulez être serein avec le Seigneur, prenez des choses spirituelles au sérieux. Amen. Si vous aimez la nourriture pour les choses spirituelles, si vous êtes charnel, les choses spirituelles, ce n'est pas pour vous. à moins que vous dominez cette chair, ça sera difficile pour travailler l'esprit. À moins que vous dominez cette chair. C'est-à-dire que la nourriture soit là. Vous regardez la nourriture, vous continuez à lire la Bible. Pas que tu viennes comme ça, tu vois, tel n'est pas là. Tel n'est pas là, tu viens. Tu te trompes toi, mais toi-même. Si vous aimez le Seigneur, vous voulez que ces choses-ci n'aient plus d'emprise sur vous, jeûnez. Amen. Maintenant, quand vous jeûnez maintenant, restez devant le Seigneur, demandez au Seigneur que s'il y a n'importe quoi qui peut t'empêcher d'avancer avec lui, que Dieu lui enlève. Amen. D'accord. Amen. Passez le temps là où vous lisez Matthieu chapitre 6. Chapitre 6. Attends, notez, notez. Donc, rendez-vous samedi à 10h. Au moins, je sais que là, si vous jeûnez de la bonne façon, personne ne pourra plus bavarder comme vous bavardez là. Il va vous faire, c'est la nourriture, la fin des nourritures qui va vous faire vous taire. Donc, des jeudis que vous levez le matin, là, vous ne mangez pas. Vous dormez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Vendredi, vous dormez, vous ne mangez pas. Oui, sec, vraiment comme ça, vous savez dire là. Jusqu'à ce que samedi, vous venez ici. Après, vous pouvez donc venir avec des choses si vous voulez. Après, quand on aura fini, si vous pouvez casser le jeûne là-bas, vous faites comme vous voulez, d'accord? Vous comprenez? Mathieu, tu as un problème de balance? Fais, ce sera bon, très bien pour toi. Vous n'allez pas mourir. Même si vous faites le vêtu le premier jour, restez tranquille. Restez tranquille, continuez, vous n'allez pas mourir. Matthieu chapitre 6. Marc, j'ai dit Marc chapitre 6, quand il ne donne pas le chapitre, les versets, ça compte, c'est tout le chapitre, d'accord? Maintenant, Marc chapitre 11, versets 20 à 26. Luc chapitre 11, versets 1 à 13. Luc chapitre 11, versets 1 à 13. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Voilà. Vous y êtes. 1 Jean chapitre 3. Chapitre 3. Verset 1 à 17. C'est bon. Vous lisez ça, vous travaillez avec. Souvenez-vous, moi à votre place, j'éteindrai mon téléphone. Je vous poserai que je me concentrerai dans ce travail spirituel. Il dit, il éteint le téléphone, je dépose quelque part. Parce que rien n'est plus important que le rendez-vous avec le Seigneur. Rien. Si vous voulez donc aller loin, ménagez dans votre monde. Si aujourd'hui, préparez-vous. Je suis venu, je rentre au Cameroun, votre vie civile ne serait plus même. Vous savez, il y a des filles, des femmes là-bas qu'on a rencontrées en Suisse. Maintenant, quand ils vous disent peut-être, vous ne venez pas savoir comment ça va arriver. Parce que moi, je ne sais pas comment ça va arriver. Cette femme-là, on les a rencontrés en Suisse. En Suisse, on a fait, je ne sais pas combien de jours on a fait là-bas, on est passé là-bas. Ça a bouleversé maintenant. Cela dévoile la Bible. Elle dit, mais tout ce que tu dis, c'était dans la Bible. Il dit oui. C'est pas que la Bible a changé, c'était que c'est toi qui n'étais pas renseigné dès le départ. Maintenant, elle ne va même pas dormir. Il y a une autre en Belgique, en Bruxelles, qui est testée, c'est un médecin, elle est médecin. La nuit, on prêchait, elle est venue s'asseoir. Elle ne croyait pas en Dieu. Elle me dit que prouve-moi que Dieu existe. Comment rencontrer Dieu? Et pose la question, raconte. Je lui ai parlé. Puis j'ai prié pour elle. Quand elle est rentrée, maintenant là, chaque jour, elle appelle ma femme pour demander le verset de lui. Elle dit que votre Dieu là, c'est comment? Je ne peux même pas m'en séparer. Elle au travail, c'est Bible, Bible. Elle dit, elle-même, elle s'est rendue compte qu'elle lui dit aux gens, vous faites comme ça, c'est le démon. Elle-même a commencé à prêcher déjà. Quelqu'un qui ne croyait pas. Mon passage ne peut pas être fortuit. Amen. Amen. D'accord. Il ne m'a pas déplacé loin pour qu'il vienne ici vous voir, vous entendez tout le monde discours. L'heure de du bavardage a cessé. Il faut la démonstration. Amen. Amen. Amen. Bonne soirée. Amen. Ah. Vous levez. Vous allez chanter ce cantique, c'est à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi ce peuple t'appartient. Ils sont venus, ils t'ont écouté. Je te les recommande entre tes mains. Je prie que tu préserves chacun ici. Et rendez-vous, Père de gloire, avec toi encore samedi matin. Nous prions au Dieu de gloire que tu nous précèdes et que tu prépares des bonnes choses pour nous. Dispense-les à tes enfants, Père, et je prie que tu les aides dans ce moment de jeûne. Donne-les d'être sérieux et détache au Dieu de gloire tout lien et rend libre ton peuple afin qu'il te serve en esprit et en vérité. Amen. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Le Seigneur te bénit, mon cher. Donne ça à ma femme là. Je te bénis. Je te bénis. Non. Que ça te bénisse. Que ça te bénisse, ma soeur. Ah, il m'assoit un peu là. Aïe. Ouf. Ma soeur. Ouvre bien tes yeux, tu vois. Elle doit être. Maman, quand c'est le rêve.